Vous êtes assez fou pour l'écouter. On commence l'année avec Xavier Antoire et sa chronique Tais-toi et cuisine. Et on passe par avec Nicolas Ducharme. C'est de l'assemblage requis et l'année commence maintenant. Maintenant. Hein? Sort d'hibernation, nous, ici. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis. C'est lundi 9 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, on a dormi tout l'hiver, là, et puis on est en fait de retour. Ben, pas tout l'hiver. Donc, pendant un bout de l'hiver. Ouais. La période des fêtes. Des fêtes, voilà. Bonne année, Mathieu. Bonne année, toi aussi, François. Bonne année. Écoute, je te souhaite ce que tu veux pour 2012. Et puis. Mais rien de ce que tu veux pas, par contre, parce que ça. Rien de ce que tu veux pas, non, tout à fait. Non. Tout à fait. As-tu pris des résolutions cette année, Mathieu? Non, je suis pas très résolution. Tu sais, moi, sérieusement, je ne crois pas à ça. Non, mais pourquoi attendre un jour précis dans l'année pour te donner des objectifs? Parce que l'année commence. Une nouvelle année commence. Ouais, mais c'est quoi une année? T'sais? Ah non, je sais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ces chiffres-là? Ça donne quoi? Tout à fait. Toi, donc, résolution, t'en as pris? Non. Non. Non. Pas parce que tu y crois pas, juste parce que t'es trop paresseux, non? Ouais, je suis peut-être paresseux un peu. Tu pourrais prendre la résolution de prendre une résolution l'année prochaine. Prends comme résolution de prendre une résolution l'année prochaine. Ouais, je pourrais. Faut se réveiller, ma vraie. J'y ai pas pensé. Donc, François, est-ce que t'as passé de belles vacances? Oui, vraiment, vraiment. Ça fait du bien, vraiment décrocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, j'ai joué au hockey. Okay. Bottine, j'ai entendu. Ouais, hockey, bottine. On a commencé notre saison. Un piètre début de saison, faut l'avouer. 4 défaites, 1 victoire. Oh. Ça part pas bien. Non, pas vraiment. Ça part pas bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis reposé, j'ai bu de l'alcool. Et puis. Les deux, ça va pas ensemble. Non, hein? Non. Mais bien sinon, j'ai vu ma famille. Quand. Quoi? Beaucoup de parties, donc. Ouais, quand même. Peut-être un peu trop, même. Ben, des fois, la famille, hein, petite dose. Hein? Non, mais sinon, ça a bien. C'était agréable quand même. Ça passait vite. Ça passait très, très. Ouais, mais c'est normal. Hein? C'est normal avec le peu de congés qu'on a dans une année. À un moment donné, ça, faut en profiter. Mais bon. Moi, de mon côté, ben, j'ai déménagé, tu le savais. Ben, ouais, c'est un. T'as des fêtes, elle demandait pas ce que Mathieu Plante fait. C'est une tradition. Il déménage. Ben, ouais. Non, deuxième et dernière fois, j'espère, en temps d'année. Là. Ça va faire le déménagement aux fêtes. Ouais. Mais non, c'est fait. C'est derrière nous, un très heureux, très bel appartement. Donc voilà, que du bonheur et que du bonheur. Que du bonheur et que du bonheur. Oui, cette saison-ci, à Assemblage Requis, ben, les chroniqueurs reviennent tous. Oui. Tous, pas mal, oui. Et on va sûrement voir de la nouveauté une fois de temps en temps, dont une nouvelle chronique de l'AGEQTR à partir de demain. De Anne-Julie? Oui, Anne-Julie Durocher, de l'AGE, qui va nous préparer quelque chose sur les activités à venir pour l'AGE. Formidable. Sa première chronique, je pense que ça va être plus. C'est quoi l'AGE? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? À quoi ça peut nous aider? Exactement. Faites pour les étudiants. Oui. Voilà. Aujourd'hui, dans l'émission, si on se focus plus sur aujourd'hui, on n'a pas Kiwan, malheureusement. Il va être de retour. Il est en vacances? Oui, mais la semaine prochaine, il va être là à 7h30. Tu l'as-tu vu pendant le temps des fêtes? Non, on aurait aimé ça. On se l'est dit même, Caroline. Ça n'a pas. Non, trop occupé de son bar. Malheureusement. Et tu sais aussi, j'imagine, avec ton déménagement. Hein? Ouais, ben probablement. J'aurais fait du temps pour lui, moi, en tout cas. Oh! Non, c'est des blagues. Donc, Kiwan la semaine prochaine, en début d'émission. Sinon, donc, à 8h, on va avoir Xavier Antoir avec sa chronique Tais-toi et cuisine. On sait, lui, qui nous prépare toujours un petit quelque chose à goûter ou à boire. Un petit thé, là, d'après temps des fêtes, là, question de nous... repéper le corps. Je sais pas s'il y a des restants de dinde dans son thé, quelque chose du genre. À 8h30. J'espère. À 8h30, on reçoit Nicolas Ducharme avec sa chronique. Moi, je commence à. J'essaie de trouver un nom. J'essaie de trouver un petit nom cocasse pour sa chronique. Je sais qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas les fonds. Il n'aime pas les intros de chronique. Il n'aime rien, ce gars-là. Il n'aime rien. Mais c'est réciproque en passant. Non, c'est pas vrai. Tu n'aimes rien? Que j'aime pas Nicolas. C'était une pile, mais là, c'était raté un peu quand il faut l'expliquer. Donc, c'est ça, sa chronique. Moi, je penche soit vers Sport, moi pas là-dessus. Si on s'en était déjà dit, c'est quand même c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Ouais. Sport, moi pas là-dessus. Mais là, j'ai trouvé, et là, j'ai trouvé très, très original. Là, je trouve qu'il va avoir vraiment. Ou pas. Du charme et du sport. Oh, ou encore du sport et du charme. Hein? J'aime bien du charme et du sport. Ouais, c'est recherché, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a du charme quand même? Oui, il y a vraiment du charme, du charisme. C'est un bel homme. Oui. C'est un bel homme. Il y a de l'entre-gens. Ouais. Voilà. On lui en parlera tantôt pour ça que ça m'a collé ça. Et on commence avec la musique de The Bar Brothers. Voici Give the Devil Back His Heart. Assemblage requis jusqu'à 9h. Bonne émission. Bon début d'année. Bon début d'année. Bon d'année. Pro. Ouais. Pro. Give the Devil Back His Heart de la formation de Bar Brothers à Assemblage Requis sur que c'est fou 80 FM, je te dirais. C'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mm-hmm. Allez, François. Mathieu. On se fait un bloc thématique. Oh. C'est rare qu'on en fait. On en fait pas assez. On commence l'année en force, quoi. Ben, c'est ça. Tu sais, faut comme tu disais tantôt, prendre des résolutions. On pourrait se dire, on pourrait faire plus souvent les blagues thématiques parce que c'est bon. Hein? Donc, on va entendre des genres de chansons avec des affaires, genre avec des effets sonores dedans, comme des onomatopées, tu sais, genre. OK. OK. Tu sais, genre. Ça, c'était quoi? Un fusil? Un fusil radioactif. OK, ça, ouais, OK. Clairement. Oh, mentionne-le. C'est ça, faut le dire. Donc, tantôt, on va entendre Gatineau, mais on commence avec quoi, François? On va commencer avec Peter, mm-hmm. Hein, c'est ça? Mm-hmm. Et puis la pièce, c'est Dring Dring Pow Pow. Ah! Tchuka tchuka wow wow. Oui, oui, est-ce que ça chante ça dans la chanson? Ouais. Ça part des enfants. Ah oui! Ah oui! On écoute ça, Peter, avec mes fusils radioactifs par-dessus. Yeah, but you always say ding ding before he says ding ding. Yeah. Sorte qu'on appelle les vidanges à des bikers. Remake le killer. Ouais. Mais tu peux tout simplement nous appeler master. Combien de caisses m'a rendu comme des familiastres. Le des conseillers de semi. Avant de semi, un petit affaire qu'on n'a pas encore mentionné. C'est la date que personne s'en est jamais sorti. La situation risque pas de se renverser comme c'est parti. Pousse pas ta luxe, fuck avec un autre Shylock. Parce qu'on est plus valable que d'Orange Clock. On peut pas me parler au vieux pot de chien bloc. Tu peux venir dans le fleuve avec au pied feuille de bloc. Tu peux te ramasser à marcher de rien avant ma chaîne. La même ma tête avant peut se retrouver en manchette. Des crackheads comme nous autres, ils s'en fait plus. Ça fait que j'étais méchant, recommence donc. Parle des mains, c'est l'ange au pur. Enlève tes bosses, sinon je te sais dessus. Parle des mains, c'est l'ange au pur. Enlève tes bosses, sinon je te sais dessus. Parle des mains, c'est l'ange au pur. Enlève tes bosses, sinon je te sais dessus. Parle des mains, c'est l'ange au pur. Enlève tes bosses, sinon je te sais dessus. Le barman trouvait ma vache chez eux, c'est ça. Un gros merci, coupe la console, juste nous autres. Le GG Grog, ça se répand, juste nous autres. Il a 112 cases morts, qu'une balle en taille se vaut. La danse en distance d'emporte est disparue, juste nous autres. La voiture piégée qui explose en pleine rue, juste nous autres. Si Ferris revient, le porte-ton commerce. Les mille filles doubles à avoir des bonnes couleurs, sans compte. Le métier soir à gage, c'est sûr qu'on l'a appris. Avec nos années de loyaux service, on a tout de compris. Sport, ça se pense à veut que le gun s'attende. Quelqu'un de chez en face, le fond, crâne qui vient tout tremble. J'espère. C'est tout du fun. On attache tout nu, après des poteaux de buis, on pêche des pommes dessus, jusqu'à ta que t'as mouru. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Parle, parle des mains, sinon je joue plus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Enlève tes bras, sinon je te retire dessus. Hey, les fusils, comment t'appelais ça? Radioactif. Radioactif. Je sais pas, ouais. Ouais. Ah, Mathieu. Dans ma tête, ça m'a bien du sens. Donc, deux chansons thématiques avec des jeux pour enfants. C'est ça, des papas, des gens qui sont dessus, mais que c'est pas sérieux, tu sais. C'est pas sérieux. Gatineau avec Papa, t'es mort. Et avant ça, c'était Peter Peter avec Dring Dring Papa. Dring Dring Pow Pow. On aime ça. On aime ça, hein. C'était bon, c'était oui. Bon, Peter Peter. Gatineau aussi. Aussi. Bah, j'adore ouais. Gatineau. Pas de discrimination. Non. Pas aujourd'hui. Non, mais certainement pas. Hein. C'est la première émission de l'année, demain, hey, on commencera pas de même. Ça commencerait mal. Donc, piu, et puis, tac, tac, tac, tac, clic, clic, clic, clic, pow, start, pow, pow. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Donc, on parle du Zone Campus qui est en kiosque du 9 au 22 janvier 2012. C'est le volume 7, numéro 9. C'est là qui va être là aujourd'hui. Il n'est oui. Pas dans tous les kiosques présentement, mais je vais travailler là-dessus aujourd'hui. On vous en parle en primeur, donc, à la radio. Primeur, tout à fait. Oui, on va faire comme d'habitude. Actualité pour moi, ensuite, tu fais société, je fais art, tu fais sport, ça te va? Ça me va. Bon, donc, sur la une, on retrouve rentrée 2012. Bon début de session, hein? C'est un message. Hey oui. Ben, la photo de la une. Regardez-la. Regardez ça. On dirait des vrais arbres. Vous, tabarouette, il y a donc bien neigé. C'est ça, hein, comme la neige a neigé, toi. J'étais pas au courant qu'il y avait neigé de même. Non, ben, je sais pas c'est où, mais c'est bon. Donc, en actualité, commençons par là. On parle du directeur général des élections qui est recherché donc pour les élections 2012 de la GEQTR. On dit que l'an dernier, plus de 2000 étudiants, près de 2000 étudiants ont voté pour élire le président conseil exécutif de la GEQTR, un taux de participation record de 20%. Donc, est-ce que ça va être mieux? Meilleur aux prochaines élections, ça va dépendre de vous, directeur général des élections, peut-être, non? Ouais. Peut-être que c'est pas vraiment assez. Présentez-vous. Ouais, c'est une belle expérience, je pense. Absolument. Je sais pas si ça va faire monter le vote dans un cas ou dans un autre, mais bon. Carnaval étudiant 2012, deuxième visite de Mister Valère à l'UQTR. Le groupe Trifluvial Atomic Baobab va aussi être en première partie. Les musiciens éclatés du quintet Mister Valère. C'est un rendez-vous le 24 janvier au 10-12 Nier et Beauchemin à partir de 22h. Toujours dans le carnaval, il va y avoir aussi la présence de l'humoriste Guillaume Wagner, que j'adore, qui était très bon. Il participe à un gars le soir à V. Oui. L'UQTR et le comité de protection des œuvres d'Ozias Leduc. Ils forment une nouvelle alliance. Et le département de génie mécanique qui invente et innove. De nouvelles nominations pour le conseil d'administration de l'UQTR. On revient sur le dossier des frais institutionnels obligatoires, les FIO. Les étudiants seront remboursés. Donc la GEQTR, mais absolument, qui vient d'arriver à une entente avec l'administration de l'UQTR dans le fameux dossier. Les étudiants ont finalement obtenu ce qu'ils avaient demandé en Assemblée générale le 28 septembre dernier. Donc voilà, les détails sont dans l'article. Il y a le texte d'opinion de Simon Fitzbé qui nous donne ses souhaits de nouvelle année. Fantastique, Simon Fitzbé d'ailleurs qui va être avec nous le jeudi. Tout à fait, pour sa chronique Phénomène, bien évidemment. Et pour terminer la section actualité, le comité d'intégration internationale universitaire, même mission plus de projets, c'est un vent de fraîcheur qui tend à souffler sur le CIIU. Donc le 9 décembre dernier, de nouveaux étudiants ont été élus au sein du CIU lors d'une assemblée générale. Et le président actuel, Aboubakar Thiam, n'hésite pas à affirmer qu'il veut redorer l'image du CIIU. Voilà pour les acteurs. CIIU. Le Q, comme je l'appelle. Q. The Q. Fantastique. Du nouveau, du côté de ce de l'allié, je vais le dire. Arriba. Du côté de la société? Oui. Pas de la société. De la section société. C'est ça, pas la société dans non, la non, vie. Non. Là, il n'y a pas de nouveau là-dedans. Peut-être. Mais en fait, c'est des gens qui en font partie quand même. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, on a Marie-André Gauthier qui nous parle avec un titre choc. Ouais. Hein? À bas les hommes. Elle aime ça, froisser les gens et brasser les choses. Et ça fonctionne bien. Et je le vois dans mes cours, moi, d'ailleurs, les gens... Ça parle d'elle. Oui, vraiment. Je m'en fais parler, en tout cas. Même chose pour Sébastien Dulude, je pense. Sébastien Dulude aussi. Ça, j'en parlerai pas beaucoup parce que je sais pas, est-ce qu'on l'a... Dans deux semaines... excuse-moi, c'est lundi. Demain? Je sais plus, attends. C'est mardi de la semaine prochaine. Oui, bon. C'est pas dur. Hein? Mardi la semaine prochaine. Qu'on va avoir sa chronique. Okay. À la radio. Okay. À l'Assemblagerie. Formidable. Et puis, il y a Jean-François Veilleux qui nous apporte ses 10 résolutions et souhaits pour le nouvel an 2012. Mm-hmm. Évidemment, on retrouve aussi le fantasque avec True Story. Une histoire vraie. Ah oui, une histoire vraie. Et puis, un beau petit dessin, ça. Oh, vraiment. Les dessins sont toujours frappants. Et toujours. Et puis, on retrouve les jeux. Aussi. Voilà. En art et spectacle maintenant, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, triple égalité au classement. Puisque le classement de la Luitre est jusqu'à maintenant très serré, les prochains matchs de la saison seront décisifs pour les différentes équipes. On parle de la future programmation du Gambrinus, on dit de réserver au mardi. C'est évidemment les mardis live, on connaît ça, on connaît le principe. Il y a le Full Moon Party à l'Embuscade, c'est le 19 janvier prochain, où la délégation des Jeux de la communication 2012 organise un party de financement des plus spéciaux. Ça commence à 22h, donc c'est le 19 janvier. C'est une belle réussite, ça, à chaque année. Ah, oui, mais je sais pas, je connais pas ça. Mais on pourra en parler à Nicolas Duchamp. Ah, ouais, oui, OK. Je sais pas s'il s'en rappelle. On a le party pas mal plus clin que moi, ça, clin d'œil. L'exposition d'art visuel Forêt Transparente qui a lieu jusqu'au 15 janvier prochain. Exposition qui est un projet réalisé par les participants de l'atelier Transparence de la fenêtre, centre d'immersion aux arts. On parle de la programmation, la chouette programmation des Nuits polaires qui s'en viennent du 19 au 22 janvier 2012. Toujours un gros succès à chaque année et toujours avec le joli petit, la jolie petite chouette comme logo. Toujours très joli ça, j'aime bien ça. Non? On parle des spectacles à venir en général pour l'année 2012 et en tout cas au moins des articles qui vont garnir votre zone campus de la part de Mélissa Beaupré. On parle d'un concours de création vidéo Cinépêche qui est à la recherche de talents qui laissera la place à beaucoup de créativité et exposera une belle diversité lors de la présentation des résultats. Il y a deux articles sur les spectacles à venir, donc voilà, il y en a un deuxième. Exposition au Musée québécois de culture populaire, Duplessis donne à sa province. Vous pouvez visiter l'exposition au Musée québécois de culture populaire du mardi au dimanche de 10h à 17h jusqu'au 9 septembre 2012. 9 septembre, quand même. Une longue affaire, ça. Longue affaire. Il nous reste seulement les sports, François. Oui, les sports. On a un profil sportif de Marie-Michèle Lapointe qui excelle, en fait, au soccer féminin. Manichelad. Oui. Et puis, on a aussi de la nouvelle appellation pour le CAPS, qui s'appelle maintenant le CAPS Léopold Gagnon. Oui. En l'honneur de qui? De Léopold Gagnon. Oui. D'ailleurs, petite controverse ici, je pense. Je sais pas si c'est une controverse. On sait pas, hein. J'ai entendu des choses, des rumeurs qui courent. Qui aurait comme acheté le nom à un certain montant de par son héritage, mais bon. Ouais, mais en tout cas, on en reparlera si c'est une controverse. Ouais, que c'est pas négatif du tout comme affaire. J'ai entendu dire que c'est une bonne chose. Mais bon, je connais pas le dossier, mais bon. Vraiment. Et puis, on parle aussi des Patriotes, plus performants au soccer intérieur. Oui, masculin, soccer. Oui, moi, masculin. J'aurais dit, ils sont plus forts en dedans. Ils sont plus forts en dedans, mais. Ils sont plus forts en dedans. Ouais, que de voir. Ouais. Peut-être. Fort en dedans que de voir. Peut-être. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Mais on le dit quand même. C'est ça. Ils ont un beau dedans. Tu sais, là, quand tu dis quelqu'un qui a une belle personnalité. OK, ah, c'est ça. Plus beau, plus bon. Je suis-tu niaiseux? Excuse-moi, c'est. Elle savait pas. Saison hivernale prometteuse pour le soccer féminin. C'est aussi que j'imagine que ça doit être en dedans. Oui, oui. Golf Patriot de Tampa à Victoria. Donc, les personnes du golf, en fait, voyagent beaucoup. Ces temps-ci, mais évidemment, ici, le golf est au point mort, ici au Québec. Ah oui. Ben, ça dure un peu. En raquette, dans la neige. Tout à fait, tout à fait. Tu sais qu'à TV, il y a un poste en haute définition pour juste du golf. Hein? Ouais. Oh, Golf Channel HD. OK, non, je savais pas. Hein? T'écoutes ça? T'endormir? Ouais, c'est ça, si je veux non, mais m'endormir. Ouais. Sérieusement, bon conseil l'après-midi, si tu veux t'endormir, tu mets ça au curling, pas trop fort. Ah, curling. Okay. Ben, curling, golf. Key. Hey, les TVA Sports, hein, les Key. Les Key à TVA Sports. Ouais, ils ont tout fondé leur espoir là-dessus. Ouais, c'est ça. Wow, on les aime. La traditionnelle course des Pères Noël aussi, quoi, hein? Ben oui, la belle course des Pères Noël. Belle photo. Fantastique photo, Mathieu. Merci. Et on parle de la première moitié de saison efficace pour les Patriots hockey. Et évidemment, la section sport pour cette parution un peu plus minime que d'habitude. Ben, ouais, c'est ça, les activités au point neutre. Donc, mais ça s'en vient, hein? Ça va recommencer, ces affaires. Exactement. Et j'avais oublié d'avoir Maxime Blodeau qui nous fait sa chronique d'une foulée à l'autre. Le succès en 5 points. Oui, donc, toujours très bon. Ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, prenons le temps de mentionner aussi que dans ce nouveau numéro pour l'hiver, on a de nouveaux journalistes. Pourquoi ne pas en parler? En actualité, on a Demi Dolbecq. Hein? Oui. Ensuite, on a en art et spectacle personne, parce que ça reste pareil. Ça reste pareil, les deux. Oui, oui. Michel Caron et Mélissa Beaupré. J'ai oublié de dire qu'en actualité, on aurait pu mentionner Claudia Bertion quand même. Ben, pas nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle, mais on la mentionne. OK. C'est ça. Pour pas les délaisser. Les c'est au sport. C'est au sport qu'on a deux nouveaux. Oui, Magali Chauvin et puis Maxime Pronovo. Oui, il y en a un, j'aime plus que l'autre, on se parle. Donc, voilà. Non, mais aurait dû filmer ça. Ouais, c'est ça. Hé, hein, là-dessus sur YouTube. Ouais. Titube. Mathieu qui titube en disant un nom. Ouais, parce que Maxime Pronovo a chroniqué à notre émission, donc c'est pour ça. Oui, Maxime Pronovo qui a d'ailleurs une émission, c'est fou. Tout à fait, les samedis soirs. Oui, le Cortex. Le Cortex. Mais est-ce que c'est de lui que tu parles? Oh, ben oui. OK. C'est ça. Excuse-moi. Ouais. OK. Donc, voilà pour le Zone Campus qui est en kiosque du 9 au 22 janvier 2012, volume 7, numéro 9. Allez voir sur lezonecampus.ca pour partager et commenter certains de nos articles. Hein, ça vaut la peine. Vous pouvez aller partager ça sur Facebook. Là, mettons des textes d'opinion, des articles qui vous passionnent, des articles pertinents à souhait. Ce que vous voulez. Sur www.zonecampus.ca. Voilà pour cette chronique magique. On revient tantôt avec CNX, la chronique geek, cette fois-ci. Hein? Mm-hmm. Ben oui, mais pour l'instant, on écoute Las Campesinos. Voici By Your Hand. Au 89 FM, c'est fou dans vos ans. Of my face reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names, filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. The fate's a cruel mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls, cause we were kissing for hours with her hands in my trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. But here it comes, this is the crux. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Is fine because the dew will temper your fall. You'll sing me lullabies in form of your cat calls. been dangling in limbo, barely keeping my cool. It's like I'm snooker between the back cushion and touching the apple. Keep replaying my turn until your patience is shot. You peel your white gloves off seductively before you respond. Your fingertips leave marks and grays. I lay you down atop the bay. I'm not sure if it's love your heart is for. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Oui, toujours Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui. Oui. En ce lundi 9 janvier 2012. La première de l'année en direct. Hey. Ouais, parce qu'on était là toutes les fêtes, mais c'était pas nous autres. Non, c'était pas nous autres. C'était des imitateurs. On pourrait rester couchés. Oh mon Dieu. Ah, c'était la belle vie, hein. Hey, t'es-tu le béton? Petite question? Non, pas déménagement oblige. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand les beaux-parents arrivent à 9h15, tu sois debout avant ça. Bon, au moins, tu peux passer la journée en pyjama quand même, tu sais. Oh! Non, je sais pas. Chose que t'apprécies. Absolument, absolument. Maintenant, ben, tu sais, parlant de rester en pyjama et peut-être aller niaiser sur Internet, là, ben, c'est la chronique CNX. Tash.com. Premier bulletin geek de l'année 2012 en ce lundi 9 janvier 2012. Commençons par Apple, évidemment. Et là, ça pourrait nous atteindre jusqu'à Trois-Rivières, cette affaire-là. En tout cas, j'extrapole peut-être un petit peu. Là. Un petit peu parce qu'on dit que les boutiques Apple vont ouvrir dans des magasins Target aux États-Unis. OK. Et Target, on sait que ça vient ici. Ça s'en vient, ça va remplacer le Zellers, exactement. Ouais. Exactement. Ben, c'est ce qu'on sait. Donc, d'après une source bien au fait du dossier citée par Apple Insider, les dirigeants d'Apple prévoient l'ouverture de 25 mini-boutiques entre les murs de magasins Target au cours de l'année 2012. Apple possède d'ailleurs des installations comparables au sein du détaillant électronique Best Buy. La firme de Cupertino possède déjà 245 boutiques originales aux États-Unis et 359 au total à l'international. La relation d'affaires entre Apple et Target est bien tissée. Ce dernier offre à sa clientèle des iPods depuis le mois d'octobre 2002 et est devenu le second détaillant après Best Buy à offrir l'iPad en octobre 2010. En novembre de la même année, les iPhone 3GS et 4 faisaient leur entrée dans 850 magasins Target aux États-Unis. Les Canadiens pourront se familiariser, comme on dit, avec Target dès 2013, l'entreprise prévoyant ouvrir plus de 125 magasins au pays d'ici à cette date-là. Bonne chose, peut-être, on verra. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi penser, on dirait. Je sais pas. Apple, ils ont déjà. Tu sais, ils sont pas disponibles partout. Hein. C'est un petit peu plus. Ouais, c'est ça, plus recherché, mettons, peut-être un petit peu. Alors que Target, ben, c'est juste un magasin à grande surface, mais avec du beau décor. Mais, ouais, ça, ouais. C'est juste ça, là. C'est pas du haut de gamme, ça. Là. C'est pas Sears, là, hein. Non. Parlant de iPad, tout à l'heure on en parlait, donc l'iPad 3 qui pourrait être lancé le jour de l'anniversaire de Steve Jobs. L'un des produits les plus attendus de 2012 est sans doute la nouvelle version de la populaire tablette d'Apple. Selon 9to5Mac, qui cite diverses sources, ce produit devrait arriver sur les tablettes très bientôt, à une date très symbolique pour la firme à la pomme. Selon les dires du Focus Taiwan et du journal Chinese Economic Times, Apple compte commercialiser l'iPad 3 le 24 février 2012, donc parce que c'est la date d'anniversaire de naissance du regretté Steve Jobs. C'est un dernier hommage. Cela pourrait avoir du sens puisque Apple a lancé beaucoup de gros produits les vendredis, comme les iPhones et les iPads. Et devinez quel jour tombe le 24 février? Un vendredi. Un vendredi. Un hasard total. On s'entend pour dire que c'est un hasard, là. Mettons que si le 24 février avait été un jeudi, là, il aurait sorti pareil le jeudi. Ouais. Là. Mais à quoi on peut s'attendre? Je sais pas. iPad 3, non? Je sais même pas. J'avais entendu ça un petit peu plus épais, mais avec plus de performance à l'intérieur. Je sais pas si ça a du sens. OK. Rien de magique, non? De magique, de nouveauté, une innovation, non? Je dirais que je me suis pas enseigné là-dessus pendant les fêtes du tout, là, mais je dirais que l'iPad, pour moi, c'est comme... le monde m'ont acheté pareil, peu importe ce qu'il y a dedans, puis c'est pas la performance qui les intéresse, c'est juste le fait d'avoir un petit gadget de plus. Je sais bien que les gens qui l'ont acheté aiment ça justifier leur achat en disant que c'est vraiment utile d'avoir un MacBook, un iPad et un iPhone. Mais bon, moi je trouve que 2 sur 3 c'est en masse, t'sais, genre. C'est la seule chose que j'aimerais, ouais. Okay, d'un iPad, c'est écouter tout.tv dans mon lit. Ah ben oui! Ah ben c'est clair! Tout parce que là, je vois que mon téléphone est tabouette que c'est petit. C'est petit. Et un MacBook, c'est plat parce que, bon, t'as un clavier et tout ça qui est comme pas utile à regarder la télé. Mais en même temps, c'est qu'un iPad, tu sais, pour regarder la télé dans ton lit, il va falloir que tu le soutiennes, que tu le lèves debout. Puis la meilleure façon de le lever debout, c'est quoi? C'est d'avoir un clavier poigné après qui tient debout. Là. Ouais. Fait que tant qu'à ça. Mais bon. Que voulez-vous? Pour pouvoir sortir ce produit en grande quantité, on parle de 4 millions d'unités à la date demandée. On aurait obligé les employés des sous-traitants... la phrase est tout à fait mal construite. On aurait obligé les employés des sous-traitants chinois à prendre seulement quelques jours de congé pendant les festivités du Nouvel An chinois qui auront lieu le 23 janvier. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas la première fois que la firme de Cupertino lancerait un nouveau produit le 24 février. Elle a déjà commercialisé un MacBook Pro cette année, ainsi que la bêta de Safari 4 en 2009. Une commercialisation en début d'année permettrait à Apple de prendre de l'avance vis-à-vis ses concurrents, notamment les tablettes Android. Voilà. On suivra ça. Les capes d'Harry Potter à la portée des militaires. François-Olivier, des chercheurs de l'université Cornell dans l'État de New York viennent de découvrir la possibilité de dissimuler un événement pendant une infime fraction de seconde. On parle de 50 picosecondes. C'est très, très pas long du tout. Ouais. Cette découverte financée par le Pentagone s'appuie sur une faille temporelle, explique le rapport publié dans la revue anglaise Nature. Les scientifiques diffusent un rayon de lumière verte dans un câble en fibre optique. Ce rayon traverse une lentille qui le divise en deux. Une lumière bleue qui se propage un petit peu plus rapidement que le rayon vert d'origine et une lumière rouge légèrement plus lente provoque ainsi le décalage de quelques 50 millionièmes de millionièmes de seconde. Tabarouette. Wow. L'événement se produisant dans cet intervalle devient invisible. C'est comme si les scientifiques avaient modifié ou enlevé un espace dans le temps. Comme si vous écoutiez un film avec une scène que vous ne voyez pas. Quoi? La scène existe, elle est dans le film, mais vous la voyez pas. D'accord, c'est une très belle explication. Ben c'est oui. Beaucoup plus compréhensible comme ça. Les travaux du chercheur pourraient... le chercheur qui s'appelle Moti Friedman, qui pourrait servir à sécuriser les communications militaires et à masquer des événements ayant une durée plus longue un jour. Donc, il faut bien commencer en quelque part. Mais ça commence très, très, très, très petit. T'sais? Mais il faut bien commencer là. Hein? Toujours en technologie, la Biélorussie ferme ses frontières numériques. Le 6 janvier prochain, les Biélorusses ne pourront plus jouir d'une aussi grande liberté sur le web. La loi 317-3 apporte des restrictions sévères quant à la possibilité de visiter et d'utiliser des sites étrangers. Le gouvernement pourra désormais établir une liste de sites web interdits devant être bloqués par les fournisseurs d'accès Internet. Il deviendra donc difficile, voire dangereux, d'accéder à des sites restreints pour les habitants de cette ancienne république de l'URSS. Les entreprises voulant échanger des courriels, offrir des services sur le web ou y permettre des ventes devront le faire obligatoirement à partir de domaines biélorusses. Les cafés Internet et autres lieux permettant l'accès au web seront responsables de la navigation de leurs clients et pourront être mis à l'amende ou à être obligés de fermer boutique s'ils ne filment et ne rapportent pas les comportements suspects. Hein? Tu vas sur un site web et tu te fais filmer là, parce que le café pourrait se faire une amende. Sinon, les autorités liées aux impôts, la police et la police secrète auront toute autorité pour enquêter et poursuivre les réfractaires. La librairie du Congrès américain conclut que plusieurs sites extérieurs au pays fermeront leur accès aux Biélorusses puisqu'une vente effectuée sur leur site par un habitant de ce pays pourrait aboutir à des actions légales de la part de son gouvernement. Hey, hein? C'est bizarre. Il n'y a pas juste en Asie qui se passe dans le phénomène. C'est quelque chose. Parlant de censure, les initiatives légales de nombreux pays commencent à faire craindre le pire aux utilisateurs du web qui tiennent à leur liberté, à un point tel que le Chaos Computer Club, un cercle de pirates cherchant à préserver la liberté de l'information, situé à Berlin, a mis sur pied un projet pour lancer leur propre satellite dans l'espace et créer un réseau alternatif qui pourrait contourner les législations nationales. Le projet Hackerspace Global Grid fonctionnera à partir de stations terrestres permettant de suivre le satellite dans l'espace tout en lui facilitant la tâche dans la redistribution de l'information sur Terre, un peu à la manière d'un GPS, mais à l'envers. Pour un coût d'environ 100 €, un prix que les gens intéressés seraient prêts à payer selon les responsables, on pourra se procurer ces petites stations et permettre ainsi le déploiement de ce réseau alternatif. L'équipe espère être en mesure de présenter des modèles fonctionnels d'ici la fin de 2012. En ce qui concerne le satellite, de nombreux problèmes techniques se posent, mais le projet serait faisable selon des spécialistes interviewés par la BBC. Déjà, quelques amateurs ont lancé des satellites par le biais de ballons. Ah, de ballons. Eh ben... Le Commodore 64 a 30 ans, François-Olivier, c'est vrai. Ceux qui ont possédé un de ces Commodore 64 se souviennent avec un brin de nostalgie de jeux là, fabuleux comme Ghostbusters et Bruce Lee. C'est en 82 que l'appareil a été présenté au CES, le Consumer Electronics Show, qui d'ailleurs a lieu dans quelques jours. Ça commence demain, la version 2012. Oh. On peut s'attendre à quoi cette année? Des affaires sur les tablettes encore, ouais. des affaires niaiseries de même. On parle d'électroménager tactile surtout, là, genre des frigidaires avec des écrans dessus. Ils commandent seuls ton épicerie. Des grosses TV OLED. Ça, c'est bien. C'est LG qui va proposer une télé OLED de 55 pouces. C'est la plus grosse au monde. Ça a l'air petit, 55 pouces. Là. Mais c'est une télé OLED avec des petits électroluminescents à l'intérieur. Donc, c'est la plus grosse jusqu'à maintenant. Ah. C'est beau. Ça doit coûter cher. Ouais, absolument, absolument. Donc, c'est en 82 que ça a été présenté au CES de Las Vegas par l'entreprise Commodore Business Machines. Ça a été mis sur le marché un an plus tard. Comme son nom l'indiquait, l'appareil disposait de 64 kilooctets de mémoire vive. Au début des années 80, on retrouvait le boîtier beige dans plus de foyers que les ordinateurs Apple. Le Commodore 64 ayant été un vif succès commercial, il était vendu près de 600 $. Les estimations concernant les ventes de Commodore 64 varient, mais il s'en serait écoulé au moins 12,5 millions. Savais-tu que la marque Commodore existe toujours? Non. Ben, c'est vrai, en 2010, un Américain a obtenu le droit de commercialiser des appareils en utilisant le nom et le design des appareils originaux et mise depuis sur la nostalgie pour faire revivre la marque. Donc, il prend des ordinateurs qui en tout cas, il les fait avoir l'air d'un Commodore, mais à l'intérieur, c'est plus fort, je crois. Le Commodore 64X peut être acheté aujourd'hui à un prix de 350 $ avec 8 GB de mémoire, du Wi-Fi, carte graphique Intel, un paquet d'affaires comme ça. Il y a un modèle aussi de luxe à 1 500 $. Ceux qui veulent revivre l'époque à moindre coût peuvent télécharger l'application Commodore 64 pour iPhone qui permet de déguiser son appareil moderne en dinosaure. C'est une très bonne idée. Ouais. Passons aux jeux vidéo maintenant. Jeux vidéo, commençons par la PS Vita. Tu sais c'est quoi ça? La PS Vita. La petite console portable de Sony. Okay. Une nouvelle version de la PSP. OK, non. Bon, donc après une première semaine encourageante, les ventes de la PS Vita au Japon ont chuté de 78% au cours de la deuxième semaine, une situation que Sony aurait préféré éviter, évidemment. Selon Media Create, Sony a écoulé 324 859 consoles PS Vita au cours de la semaine qui a pris fin le 18 décembre. En comparaison, Sony avait écoulé 166 000 unités de la PSP à sa première semaine sur le marché en décembre 2004. Sony n'a pu toutefois festoyer devant de tels résultats, Nintendo ayant écoulé presque 368 000 consoles 3DS au cours de la même période. C'est beaucoup. La semaine suivante, les ventes de la PS Vita se sont effondrées, totalisant 72 479 unités, une baisse record pour une console à sa deuxième semaine. Pendant ce temps, Nintendo a écoulé encore 482 000 au cours de la semaine, qui a pris fin le 25 décembre. Je saute un petit peu dans la fin de l'article. Tout n'est pas perdu pour Sony, puisque les Japonais dépenseront beaucoup le 2 janvier durant le Hatsuhuri, le 2 janvier passé à ce moment-ci. C'est comme le Boxing Day, j'imagine. C'est exactement ça. Le Boxing Day, c'est le lendemain du 1er janvier, vous autres. Je sais pas ce qu'il y a le 1er janvier, mais je sais que c'est pas le nouvel an. On parlait que c'était à la fin du mois de janvier, le 29, je pense. Toujours au sujet de Sony et de sa PlayStation Vita, Sony a révélé que le responsable du design de la PlayStation Vita est nul autre que Takashi Sogabe. Là, tu vas me dire, c'est qui ce Takashi Sogabe? C'est qui ça? C'est le gars qui travaille chez Sony depuis 27 ans, qui est nul autre que le designer du Walkman. Oh! Toi qui es fan de cassettes de ces temps-ci avec ta Corsica, là, tu peux remercier Sogabe. J'ai trouvé, pendant le temps des fêtes, une boîte de souliers okay. Remplie de cassettes. Pas des cassettes vierges. Que des vieux hits. Oh! New Kids on the Block là-dedans? Non, ça y'a pas ça. Non. C'est pas les cassettes de ta sœur, hein, c'est les tiennes? Ouais, non, c'est les miennes. Ben, ma sœur aussi, mais ma sœur écoutait la bonne musique quand même. Ah, quand même. Tu sais, dans le temps qu'elle écoutait ça, tu sais, il n'y avait pas de CD, fait que. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Non, mais... j'essaie de suivre. Mais c'était quand même bon ce qui se retrouve sur ces cassettes. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Ben, tant mieux, ça veut dire que ouais, cool. On va avoir de quoi se nourrir. Eh, hey, tout à fait. Youpi. Donc, Takashi Sogabe, inventeur du Walkman, qui a aussi travaillé sur la PlayStation Vita, il explique que plusieurs prototypes ont été créés. L'un d'entre eux ressemblait davantage au PSP Go, là, l'affreuse console PSP Go, là, celle qui avait juste un écran et puis qui slidait comme un téléphone cellulaire puis qui avait des boutons en dessous puis ça n'avait pas l'air confortable du tout. Mais bon, donc avec une partie qui se refermait sur l'autre. Depuis, il voulait aussi que l'extérieur soit entièrement métallique, mais ce fut impossible à cause de l'antenne pour le Wi-Fi et le 3G, donc la PS Vita, qui est en forme comme la PSP, là, avec un écran large et des boutons sur les côtés, qui se prend beaucoup mieux avec un extrêmement grand écran. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir. Je sais pas si je vais vendre ma PSP pour acheter la PSP, la PS Vita. Non, on me dit que tu vas t'acheter une PS Vita, mais tu vas garder. Non, je peux pas faire, non. Ben non. Check toi la face. Je peux pas avoir les deux, c'est la même console. Tu souris. Non, même avec les consoles de Nintendo, moi qui déteste me débarrasser de consoles de Nintendo parce que je trouve ça vraiment très bien. C'est tellement cher les consoles de jeux vidéo que t'as pas le choix de revendre ton ancienne console et acheter un nouveau modèle. C'est plate, mais une chance que sur la 3DS, entre autres, tu peux... Les vieux jeux font. Les vieux jeux de DS fonctionnent dessus. Mais c'est quoi aussi le pas le GameCube, mais le Game Boy Advance? Non. C'était carré, là, des petits disques. C'était le GameCube. Le GameCube? Oui, pas la Wii. Là. La GameCube. C'est un cube avec une porte en haut qui ressemblait à une boîte à lunch. Ouais. Non, ça, il n'y a rien qui fitait là-dessus. C'était quoi? Ça jouait les jeux de... Comment? Non. Non? Je sais plus quel bord que c'est. Est-ce que c'est Sony? Est-ce que c'est Microsoft? Nintendo? Ça me semble que c'était Nintendo. Parce que ça a fait Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube et Wii. Non. Repense-y. Je te pardonne. Parlons de Xbox maintenant, qui pourrait inclure un enregistreur numérique selon un brevet déposé par Microsoft et approuvé le 27 décembre. La prochaine console de salon de Microsoft pourrait inclure un enregistreur numérique, un DVR, un ENP, dépendant comment vous appelez ça, mais un enregistreur numérique personnel. Le brevet est accompagné d'une image montrant la combinaison et la description qui nous apprennent que le DRV pourrait être enregistré même lorsque la console sera fermée, donc enregistrer des émissions de télé. Le contenu enregistré pourrait être autre que ça, des séquences de jeux, de la musique. Et puisque le brevet a apparemment été déposé en 2007, il est possible et même probable que la stratégie ait changé depuis pour Microsoft, mais quand même, ça pourrait arriver un jour que ta Xbox enregistre ses émissions de télé. Ouais. Bonne idée, je trouve. La console Wii U maintenant, retournons à Nintendo, qui s'improviserait aussi liseuse électronique. La future console de salon de Nintendo, la Wii U, pourrait se transformer en liseuse électronique, donc en book reader, si on veut. La machine proposerait cette fonction via la mise en place d'une plateforme permettant de télécharger plusieurs types de parutions, dont des œuvres littéraires, des journaux, des magazines et des bandes dessinées. Les documents téléchargés pourront par la suite être lus depuis la tablette tactile de la Wii U. Hein. Pour ceux qui savent encore, la Wii U va venir avec une tablette tactile qui va être votre télécommande et en même temps un deuxième écran. Un petit peu comme un iPad. Selon le site web, cette fonction pourrait également être proposée sur la plus récente console de Nintendo portable, la 3DS, avec un système de zoom pour une lecture plus confortable. Espérons-le. En bref, maintenant, parlons du concert The Legend of Zelda qui va être à Montréal le 31 mai prochain, mais vous pouvez déjà réserver vos billets. Nintendo a émis un communiqué annonçant de nouvelles dates pour la tournée de concert The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses qui s'arrêtera à la Place des Arts. Au dernier E3, Nintendo avait annoncé qu'un concert symphonique pour commémorer le 25e anniversaire de la franchise Legend of Zelda serait présenté un peu partout dans le monde. Cette symphonie en quatre temps s'inspire essentiellement des jeux Ocarina of Time, Wind Waker, Twilight Princess et A Link to the Past. Des airs de Link's Awakening et Legend of Zelda Majora's Mask sont également mis en valeur. Vous pouvez aller voir les dates sur l'article sur assemblagerequis.com. Et évidemment... les billets du concert de Montréal sont déjà en vente. Il va se dérouler à la Place des Arts. Et si vous avez déjà fait l'achat du jeu The Legend of Zelda Skyward Sword, le plus récent jeu de Zelda sur la Wii, un CD comportant quelques arrangements tirés du concert s'y trouvait. Donc ça devrait vous aider à patienter jusqu'au 31 mai. Le palmarès 2011 du piratage maintenant, comme on le fait à chaque année, le site Torrent Free qui diffuse un classement des jeux les plus piratés au cours de l'année. Allons-y avec les tops. Est-ce que tu vas en deviner quelques-uns? Je sais pas. Non. Je vais t'énommer, tu vas me dire. Ah ben oui, c'est sûr. Sur le PC, en 2011, les jeux les plus téléchargés illégalement, Crysis 2 avec 3 920 000. Call of Duty Modern Warfare 3 avec 3 650 000. Battlefield 3 avec 3 510 000. FIFA 12 avec 3 390 000. Et Portal 2 avec 3 240 000. Et Portal? Portal 2. Portal, c'est l'affaire où tu tires dans un mur puis ça te fait un portail vers une autre place puis tu transfères, tu vas comme bouger, tu vas déménager là. C'est beau. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est très, très bien coté. Va voir Portal et Portal 2, c'est vraiment le fun. Top des téléchargements illégaux sur Xbox maintenant en 2011. Gears of War 3 avec 890 000. Call of Duty 3, Modern Warfare 3 patente, le 830 000. Battlefield 3, 760 000. Forza Motorsport 4, 720 000. Et Kinect Sports, saison 2. Hein? Quoi? Oh, ouais. avec 690 000. Et sur la Wii, Super Mario Galaxy 2 avec 1 280 000. Mario Sports Mix, le jeu où on peut jouer à plusieurs sports, 1 090 000. Xenoblade Chronicles avec 950 000. Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo, 870 000. Et FIFA 12 avec 860 000. Voilà. Ça, c'est toutes des consoles craquées. C'est exactement ça. Exactement. Parlons des nouveautés en magasin pour terminer un petit peu. On se dépêche. Les jeux qui sont sortis depuis les trois dernières semaines, on va y aller rapidement pour commencer par la semaine du... comment dire ça? Mettons samedi 31 décembre que l'article a été publié. Donc sur PC, Postal 3, de la compagnie Running with Scissors. Sur Xbox, pas de jeu. Xbox Live Arcade, All Zombies Must Die. Sur PlayStation Network, All Zombies Must Die et Oddworld Stranger's Wrath HD. Sur PSP et sur le PlayStation Network, la PSP, il n'y a aucun jeu. Sur la Nintendo Wii, Aladdin Magic Racer. Sur WiiWare, Carmen Sandiego Adventures in Math. Sur 3DS, pas de jeu. Et sur le eShop, le jeu, le petit jeu. Ça s'appelle c'est pas la fin. Sur DS, il n'y en a pas. Et sur DSiWare, Cake Ninja et Slingo Supreme. Pour le samedi 24 décembre, sur PC, Star Wars The Old Republic. Gros jeu de Star Wars là, que tout le monde capote. Là. World Gone Sour aussi. Il y a sur le Xbox Live Arcade, Trine 2. Sur le PlayStation Network de la PS3, il y a Apples to Apples et Trine 2. Sur Nintendo WiiWare, Sucker Up. Sur Nintendo eShop, Mighty Switch Force. Et sur DSiWare, Christmas Wonderland, Chronicles of Empires Origins, Doodle Fit et Rhythmic Retro Bits. On termine avec les jeux qui viennent de sortir là en fin de semaine. Ou en tout cas, qui vont sortir ce mardi. Sur PC, Cube, Q-U-B-E, de Toxic Games, je connais pas. Non plus. Sur Xbox Live Arcade, NFL Blitz, de EA Sports. Sur le PlayStation Network, NFL Blitz et TNT Racers, de King Games. Sur WiiWare, Zombie Attack, de Gamers Digital. Et sur Nintendo eShop, il y a Samurai Sword, Destiny. Et pour terminer, avec Nintendo DSiWare, Three Heroes, Crystal Soul et Quick Fill Q. Un paquet de jeux que personne va télécharger. Mais bon, ça existe. Non, mais il y a des jeux comme ça sur DSiWare que je me dis, tu sais, les compagnies s'essayent, ouais. Mais c'est pour vrai, il y a des jeux qui ont vraiment pas beaucoup de ventes sur DSiWare. Mais c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de ventes que c'est pas de bons jeux. Non, c'est sûr. Non. C'est pas parce que tu connais pas une chanson que c'est pas bon. C'est pas bonne. C'est ça. Non, mais le commentaire que j'ai pu entendre pendant les fêtes de différents gens. Ah, mais là, j'ai écouté ton poste, là. Vous jouez jamais de tunes qu'on connaît, hein? Ben non. C'est un peu le but, là. Ouais. Ça joue partout, les tunes que tu connais, tu sais. Partout. Ah, mais ça. C'est l'alternative. On est là pour ça. C'est un genre. Et puis, juste un petit rappel pour vous dire que c'était il y a 5 ans exactement que Steve Jobs présentait le iPhone pour la première fois. Mais ça, vous allez en entendre parler à toutes les chaînes de nouvelles et partout. Donc, on ne s'attardera pas à ça. Mais quand même, c'était il y a 5 ans. Donc, ça vaut la peine d'être dit. Voilà. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir, François. On s'en va entendre un petit peu de Karim Ouellet. Non, pas de chiptune aujourd'hui. La chronique est déjà assez longue comme ça. On résume les trois dernières semaines, je pense, de nouvelles. Ça fait comme 20 minutes qu'on parle. Fait que, bon. Karim Ouellet avec... pourquoi pas... Est-ce que tu veux décider la pièce? Est-ce que tu as envie d'en choisir une? Est-ce que tu les connais un peu? Tu me ça comme ça? Ouais, c'est ça. Je me tire comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre? Mmh. À 4, après tout? Oui, après tout. Bon. Après tout. Mais là, est-ce qu'on connaît pas ça, cette chanson-là? Cet assemblage bloqué jusqu'à 9h, c'est super bon, Carré Moëlle, à ta musique. Hey, j'ai parfois l'impression que tu me niaises. Il fait toujours un peu plus froid lorsqu'il neige. Petit pas à pas, j'avance et mon état me pèse. Je ne sais qu'en faire pour qu'il te plaise. Et c'est l'enfer. Ok, c'est facile de se moquer, mais c'est moins évident de viser quelque chose de beau. Et puis c'est dur de s'effacer comme un mur qui serait considéré comme quelque chose de trop. Tout est différent quand on est entouré des autres. Ou comme on n'est plus grand quand les enfants sont les nôtres. Moi j'abandonne et je te lance comme ça, that's it. Mais quand je m'entête à penser de même, alors j'entends ma paye pas. Carmoulette avec la pièce Après tout. Hein? Après tout, elle vient de finir la pièce. Ah oui. Après tout. Donc oui, l'album s'appelle Plume, si jamais ça vous intéresse. C'est très très bon ça, Carmoulette, on adore. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec la chronique des habits en tour. Oui. Tais-toi et cuisine. Tais-toi et cuisine. Et à 8h30, on a Nicolas Ducharme qui nous parle de sport. Une bonne deuxième heure à venir, alors restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. La deuxième heure d'Assemblage Requis en ce lundi 9 janvier 2012. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Vrai. Vrai. Force habitué à dire 2012, hein? Ouais. Elle n'est pas habituée, juste l'écrire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est même chaque année, je pense, à peu près. Là. À peu près. Ça prend un mois. Ouais, en général. C'est ça. Mais je peux aussi juste ne pas dire l'année parce qu'on sait en quelle année qu'on est. Là. Ça donne à rien de le dire, tu sais. On le sait pas, on se trompe. C'est ça. Donc, ben, c'est ça. C'est le début de la deuxième heure. On va commencer en musique, pourquoi donc pas, avec une petite pièce des Delaware Chuck. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça m'a fait rire quand elle t'a dit « Pourquoi donc pas? » Pourquoi donc pas? Ben, c'est le même que je parle. C'est ma face, ma manière de parler. Bon. Donc, poche pleine d'or, Delaware Chuck. Right now, hein? Poche pleine d'or, right now. is right. About the morning, okay, I'm an old shoe. Danced above the blades, never stopped crawling. Black dudes, and I'm waiting for you. Waiting forever. Are you awake now too? Wilco et la pièce Black Moon sur l'album The Whole Love. Assemblage rock. Mm-hmm. C'est sur le premier anglophone. C'est doux. Oui, c'est doux. C'est bon le matin, des fois, du doux. Du doux. Du doux. Une petite couverture douce. Doux, doux, doux, oui. On se pose aussi doux avec vous parce qu'on va se faire un petit Quickie Edition. Oh. Voici, c'est un fait. C'est un fait Quickie Edition, donc seulement des faits rapides en rafale. Pic, pic, pic, pic, pic. Pas d'explication par la tête. Tu connais le mistletoe, c'est ce qu'on appelle en français du gui. C'est le gui, là. Ah oui, la feuille de gui. La feuille de gui, exactement. Donc le mot en anglais mistletoe vient de l'anglo-saxon mistletan, qui veut dire une crotte sur une branche. Une crotte sur une branche. Une crotte sur une branche. Et par coïncidence totale, le nouvel album de Justin Bieber s'appelle aussi Mistletoe, donc clairement... Ah oh, oui, oh, oui, oh mon Dieu. Clairement, ça vient de là, je crois. Même si on peut acheter des genres de sambon à odeur de gui, t'sais, on peut acheter des chandelles à odeur de gui, on peut acheter du savon à odeur de gui, mais le vrai gui n'a pas d'odeur. Okay. Donc, pourquoi? Je sais pas. Ça doit sentir juste Noël, j'imagine qu'ils doivent avoir mis de l'odeur de sapin là-dedans. T'sais, de quand... cannelle, un ouais, peu. Ouais, parce que quand c'est Noël, ouais, c'est ça. Exactement. Le petit chocolat chaud, le petit genre de mononcle qui pue dans le coin et qui raconte des jokes plates. Wow. Le mot japonais Bakushan, B-A-K-K-U, très union Shan, S-H-A-N, hein, Bakushan, c'est l'expérience, d'accord, l'expérience de voir une femme qui a l'air jolie de derrière, mais qui de devant ne l'est pas. Bakushan, mot japonais. Bien, hein? On apprend encore du japonais ici. Koinoyokan. Koinoyokan. C'est l'impression quand tu rencontres une personne pour la première fois que vous allez tomber en amour les deux. Ah, c'est un peu le contraire de Bakushan finalement, oui. Exact. Coup de foudre. Ah. Quand la souris d'ordinateur a été inventée, elle s'appelait la XY Position Indicator for a Display System. C'est l'indicateur de position XY pour un système d'affichage. Okay. C'était comme ça que ça s'appelait une souris. Quand la momie de Ramsès II a été envoyée en France au milieu des années 1970, on lui a donné un passeport. C'était obligatoire de lui donner un passeport. Devine l'occupation de Ramsès. Roi, en parenthèse, mort. Décédé. Roi décédé. Wow. Super. L'inventeur du Gatorade, plus tard dans sa carrière, a inventé une variation alcoolisée du Gatorade. Ça s'appelait le Hoppin' Gator, qui était essentiellement du Gatorade citron-lime mélangé avec de la bière. Oh. Quand même un bon mélange, ça. Dans la version arabe des Simpsons, le nom de Homer est Omar Shamshoun. Omar Shamshoun. Et à la place de boire la bière d'œuf, on adore ça, à la place de boire la bière d'œuf, il boit du jus d'œuf. Oh. C'est peut-être pas dans la religion là, de boire la bière. Là, je sais pas. Je sais pas. Omar Shamshoun! Désolé les enfants ici, mais selon la foire aux questions de la NASA, on ne prévoit pas envoyer d'enfants dans l'espace pour l'instant. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Devine ce qu'est la panthérophobie. Panthérophobie, excuse-moi. Peur des panthères? Ben non, ben trop évident. Autre chose. Panthéra... je sais pas. C'est la peur persistante de ta belle-mère. Ah, une panthérophobie. Panthérophobie. Et bizarre, hein? Le designer du bikini, Louis Reard, a dit qu'un maillot de bain en deux pièces ne pouvait pas s'appeler un bikini à moins qu'on puisse le passer à travers une bague de mariage. Faut qu'il soit, les bagues dans le dos? Les bagues dans le doigt, c'est ça. Faut que tu puisses passer le bikini à travers la bague pour que ce soit un bikini. Parce qu'il faut que ce soit très, très mince, très, très... Ok, ouais, je comprends. Comprends la blague. Faut pas que tu l'attaches avec une bague. Là. Non. Faut que ça passe. Faut que ça passe le maillot, lui. Ok, je comprends. Selon un sondage par Visa, même la fée des dents commence à avoir la difficulté financière. Là. Une dent ramène maintenant 2,60$ aux États-Unis, ce qui est une descente. C'était 3$ l'année passée. Et Colin, hein? L'économie. Ça va pas bien? Ça va pas bien. L'inventeur de l'AK-47 a dit qu'il aurait souhaité inventer quelque chose pour aider les fermiers. Les fermiers. Donc, à la place d'inventer l'AK-47, il aurait aimé inventer la tondeuse. La tondeuse. Ça aurait aidé les fermiers, la tondeuse. T'sais. Non. Quoique, tu pourrais sûrement faire la tondeuse avec un AK-47, mais ce serait long à mot à dire. Ouais. Les céréales Frankenberry, est-ce que tu connais les céréales Frankenberry? Non. Les grosses céréales sucrées, là, colorées, je pense que c'est genre mauve. Là. Donc, ouais, ben c'est mauve. Quand les Frankenberry ont été introduits sur le marché, la teinture de la céréale ne se défaisait pas lors de la digestion. Donc, tu mangeais tes Frankenberry et tu digérais pas la teinture, le colorant. Donc, ça menait à des... Les sels de couleur. Mauve, ouais. Wark. Dégueulasse, hein? Ouais. Ils n'ont pas testé ça avant, ils n'ont pas mangé eux-mêmes leurs produits, regardé plus tard. On dirait que non. Fait peu connu, hein, le 4 janvier dernier, 4 janvier, qui ça donne à être, c'était quoi, mercredi passé, c'est la journée nationale des faits divers, comme ça, trivia, des petites choses inutiles à savoir, c'est la journée nationale de ça. Oh. Dommage qu'il n'y a pas de collègue, c'est un fait ce jour-là. Ouais, c'est ça. On parlait de Steve Jobs plus tôt dans l'émission sur le fait que c'était le 5e anniversaire du iPhone. Steve Jobs a dit qu'un des bénéfices... Un des avantages, si on veut, du nom Apple, c'est que ça les mettait avant Atari dans l'annuaire. Oh! Ah! Intéressant. Atlanta a choisi le surnom Falcons, tu sais, pour son équipe de... Football, là! Les Falcons d'Atlanta. En 1965, dans un concours pour nommer l'équipe, d'autres noms qui auraient pu... qui étaient considérés, il y avait les Peaches d'Atlanta, les Pêches, hein? Peach, c'est comme aussi dans Mario? Oui, non? Peach, exactement, Peach. La princesse Peach. Bravo, François, tu me touches. Hein, je te touche. Toi, ton cœur. Oui, une chance. Les Confederates d'Atlanta et les Fireballs. Ça, j'aime ça, les Fireballs, c'est viril. Les affaires de gars, les Fireballs. C'est pas, hein? Ouais. Ça, à l'origine, les Chiapets étaient fabriqués au Mexique. Tu sais, les Chiapets, c'est des petits animaux de porcelaine, je crois, que tu peux mettre, je sais pas, c'est de la terre, tu l'arroses, puis ils poussent des cheveux. C'est du gazon, les cheveux. Oui! Bon, les Chiapets, au départ, c'était fait au Mexique, mais maintenant, c'est produit où? Canada. En China. Ah. Chia. China. Oui, la Chine, Chia. Pas une grosse surprise. On est à une lettre, quand même. À une lettre de la Chine, ça. Le Pledge of Allegiance, c'est I Pledge Allegiance to the flag of the United States of America. C'est le, avec la main avec sur le cœur. La main sur le cœur, tout à fait. Mathieu. Je sais. Ben, mais ça. Le Pledge of Allegiance. T'es délicieux. Merci. Toi aussi, pareillement. a été écrit à l'origine. ça a été écrit à l'origine dans une campagne d'un magazine. C'était un magazine qui faisait une campagne pour vendre des drapeaux aux écoles. Un magazine qui voulait vendre des drapeaux aux écoles. Et c'est eux qui ont composé le Pledge of Allegiance que les enfants récitent maintenant, François. J'en reviens pas. C'est comme si le zone campus écrivait un texte sur le Québec, mettons, puis que dans des décennies, les enfants lisaient ça dans la classe avec la main sur le cœur dans le zone campus. J'en reviens pas. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, pour vrai, là. Je sais, c'est ça que je te dis. Ça a l'air sarcastique. Ben non. Voyons donc, Mathieu. Hey, là, voyons, je me sens attaqué tout le temps, là. Mais non, je viens de te dire que t'étais délicieux. Oui, puis ça peut pas être pas vrai, tu sais. Mais non. Voyons donc. Hey. Okay. Donc voilà pour la collecte, c'est un fait. Quickie Edition. Hey, ça a même pas pris en dedans 10 minutes. 8 minutes, vous avez vu ça? 7, 8, 9, 8 minutes. Ça a monté. Avec un check and loss, ça a augmenté. 8h17. Quand j'ai regardé au début, c'était 8h16. C'est super, ça. Pas pire. On sait l'heure, au moins. T'es un grand mathématicien de renom. Merci. Et un marchand de bonheur. Oh. Ouh, français vieux marchand. T'es délicieux, Mathieu. Bon, ben, je t'allais. Ça va vraiment faire. Je suis vraiment écœuré de cette conversation-là. Donc, vous êtes toujours à l'assemblage requis jusqu'à 9h. Il nous reste une quarantaine de minutes. Et si tout va bien, là, si les choses ils vont comme prévu, là. Espérons-le. Xavier Antoire devrait arriver bientôt. Peut-être. Sinon, plus tard, devrait avoir Nicolas Deschamps. Peut-être aussi. Peut-être qu'ils ont tous fait une conspiration contre nous autres. C'est ça, peut-être pas. Parce que c'est vrai que la session d'hiver étudiante n'est pas commencée. On commence seulement mercredi. C'est ça, mais c'est pas comme si je leur avais pas dit que c'était qu'on recommençait aujourd'hui, mais bon. Feist, the bad, the good, the bad. Je me rappelle jamais, the bad each other. Sur ce fou. C'est bon, ça. Je m'ennuie de ça, moi. Ben ouais, mais gars, je te joue. Arrête de chialer, combattant. T'es délicieux. Ça donne des frissons. De dégoût. Remets ton chandail. Yeah. Je suis avec Lose It à Assemblage Requis. Restez là, on revient tout de suite avec Nicolas Ducharme et sa chronique sport. Espérons-le. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. Bye. Dutch Cell. Je sais pas si la pièce s'appelle Time to Reiterate parce qu'il réitère le même bout de chanson à la fin pendant 20 minutes. Non, je... ça se peut. Toujours Assemblage Requis jusqu'à 9h. Maintenant, on parle avec Nicolas Ducharme. Voici la chronique, appelons-la, on l'a déterminée tantôt par charme. Vote. Du charme et du sport. Salut Nick. Hey, bon matin, messieurs. Comment ça va? Comment? Du charme et du sport. J'haïs oui. pas ça. C'est pas mauvais. J'haïs pas ça. Ouais. C'est mieux que du sport et du charme. Je trouve ça va mieux du charme. Voilà. Du sport, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est un bel accueil. Une belle surprise. Hey, bonne année, messieurs. Bonne année. Bonne année. Charme. Santé. Le reste viendra pour les autres choses. Oui, prospérité pour toi, prospérité, surtout, je pense. Succès. Ouais. Tes études. Un succès dans... Hey, je souhaitais ça. J'ai réalisé, durant le temps des fêtes, que j'étais vieux. Ah non, t'as pas dit ça à tes cousins. Quand j'ai dit les choses suivantes à mes cousins. Succès dans tes études. Ah, Nick. Et en parlant de quelque chose, j'ai dit, vous faites ça, vous les jeunes, hein? Quoi ça? Je me sentais comme qu'à un moment donné, on m'a dit, hey, yo-yo, le jeune, Hey, ben, tu parlais de quoi? Je sais pas de quoi je parlais, là. Je pense que j'ai lâché une expression, quelque chose, puis j'ai dit, vous faites ça, vous les jeunes, aïe, aïe. Wow. À 27 ans, je parle déjà comme wow, ça. Wow, franchement. C'est inquiétant. Ouais. Ça y est, je suis sur la mauvaise pente. Ouais, écoute, j'en ai plus que fait qu'est-ce qui m'en reste, hein? Ben voyons donc, c'est quoi ça? Tu vas mourir jeune, c'est quoi, hein? Ben non, ouais, on va pas faire des Mike Ward de nous-mêmes, là, pis tu souhaites un cancer comme Joël Legend. Non, ouais, non. C'était pas ça meilleur. Mike Ward a souhaité un cancer à Joël Legend ouais. sur Internet. Ouais, ouais, ouais. Faut le voir en contexte, là. Ouais. T'es revoir la vidéo sur YouTube, mais c'était juste pas fort de le mettre pas sur fort, Internet. Pas fort. Mais tu sais, le gars, il dit prenez pas ça au premier degré. Explique-moi donc le deuxième degré de souhaiter un cancer à quelqu'un. Explique-moi le deuxième degré, ouais, j'aimerais juste savoir. T'sais. Ben tu sais, il l'explique, c'est-à-dire que Joël Legend, c'est devant le bye-bye. Mike Ward est devant la télévision et Joël Legend souhaite bonne année à tout le monde, bonne santé. Puis Mike Ward survit devant le cellulaire, c'est clairement pas une caméra, là, c'est amateur. Et il dit la chose suivante, moi, à Joël Legend, je souhaite un cancer. Puis là, il y a Stéphane Fallu qui rentre et qui dit, moi, je souhaite juste une gonorrhée, là, tu sais. C'est déplacé. Ouais, ça peut pas être drôle. C'est même j'ai pas vu ça. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas vraiment drôle. Non, c'est trop. Gardez facile. Ça, vous autres. Ouais. Pis, c'est ça, tu sais. Des affaires que tu dis quand tu vois de la Mike Ward avait déjà fait une blague à propos de Cédrica, mais tu sais, c'était à propos de Revenu Québec. Il disait que c'était des malades Revenu Québec. Si leur doigt 5$, ils kidnappent leurs enfants. C'est eux qui ont la petite Cédrica. Déjà ça, c'était moyen, mais je trouvais déjà ça un peu plus. Rechercher un peu. Ben t'sais. Oui, c'est ça. Ça s'attaquait pas du tout à Cédrica ou rien. Tandis que c'était là, pour c'était... dire que Revenu Québec était méchant. C'était moyen. Mais gars, c'est Mike Ward, puis c'est son style. Alors, ça, on le changera pas. Là. Non, c'est ça, mais c'est beau. Ouais. Hey, je comprends la controverse. Vas-y, je vais tout de suite ce matin. On va lâcher Ward. On va passer au sport. Je vous parle ce matin de la période d'échange. Principalement, Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça se terminait samedi midi. Sur le coup des 2 heures, sur les coups des pierres à feu à TQS. Bon. Alors, et l'équipe qui était la plus active, l'équipe qui se devait d'être la plus active Cataract. Durant cette période-là, c'est effectivement les Cataracs, François. On se devait d'aller chercher au moins 2 défenseurs si on espérait être capable de se battre en séries éliminatoires et à la Coupe Memorial contre. Ça a bien fonctionné. Ça a été une très bonne récolte pour les Cataracs. Écoutez, on a été chercher là, sur le coup de... Dans la nuit. Ça s'est conclu dans la nuit là, avant le... Avant la, dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la nuit de vendredi à samedi, exactement. On a été chercher le meilleur défenseur au monde d'âge junior, c'est-à-dire Brennan Gormley, qui est tout juste revenu d'Équipe Canada. On l'a vu avec Équipe Canada durant la défaite. D'ailleurs, Équipe Canada, quelle déception. Comme, hey, est-ce qu'on en parle plus tard? Ou? Ben écoute, je vais le garder pour la fin. Là, j'ai quand même une journée. Je vais garder pour la fin du junior. On va en glisser 2 mots. Donc, ils ont été chercher Brennan Gormley des Wildcats de Moncton. Mais en retour, ça a coûté cher. On parle du côté des Cataractes. On a cédé les droits sur Michael Matheson. Michael Matheson évolue présentement aux États-Unis. Lui, à quel âge? C'est un 94, donc fais le calcul. Il a 17 ans. Il va avoir 18 ans le 27 février prochain. Dicod Matheson, c'est un bon défenseur, mais a toujours dit qu'il ne jouerait pas au Québec. Il ne veut pas jouer. Ouais, que ce soit. C'est un Québécois, là. Pourquoi? Mais, il veut jouer la route des États-Unis. Pas big un... shot worldwide international. Oh, c'est non, pas si big non, shot c'est ça. Compréhensif de plus en plus. On voit beaucoup plus de joueurs qui font gaffe. Moi, si ma carrière plante, ben j'ai goût d'avoir une éducation. Tu te souviens d'Angelo Esposito qui avait fait le choix de s'aligner pour les remparts de Québec. Ben, à l'époque, Esposito se demandait s'il voulait pas aller aux États-Unis, voulait devenir médecin. C'était ça qui était supposé. Puis à la dernière seconde, ça avait changé. Il s'était amené avec les remparts. Esposito, présentement, qu'il sera jamais, on voit qu'il jouera jamais dans la Ligue nationale. Il n'a pas le cœur pour ça. Donc, forcé d'admettre. Parce que ici, au niveau de l'éducation. Ben, c'est plus difficile. Ouais. J'en parlais dans le temps avec les. Ben, récemment, même avec les joueurs des Patriotes qui me disaient pourquoi la plupart étudient en administration. Parce que quand ils ont fait leurs études au cégep, ben, ils ont comme. C'était pas ça leur priorité. Ils se demandaient pas où, dans quoi est-ce que je m'en vais plus tard. Ils se demandaient, bon, là, c'est le hockey, puis c'est le hockey, puis c'est le hockey. Donc, arrive à l'université, puis bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais aller à l'admin, je vais essayer d'avoir ma business un jour, quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup. Tu sais, le focus, c'est pas là. Tandis que si tu t'en vas jouer aux États-Unis au hockey, ben, c'est focus les études, puis un focus sur le hockey en même temps. Donc, tu peux étudier en médecine, tandis qu'ici, au Québec, c'est beaucoup plus difficile. Puis au niveau, en fait, là, de développer des compétences pour vraiment le hockey... Non, ça, tu vas trouver les deux, je pense. Ouais? Ouais, la différence avec les États-Unis, c'est que tu joues une quarantaine de matchs aux États-Unis, tandis qu'ici, t'en joues avec les séries au moins 80, là, relativement. Là, dans ces... Donc, c'est double de matchs qu'on pourrait dire. Et est-ce que je me trompe si je dis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher? Ben, t'as une bourse très souvent. Ouais. J'ai un de mes chums qui est aux États-Unis présentement, Newman. D'ailleurs, je le salue, William Lacasse, qui a joué dans le cadre des festivités là, de la Winter la classique hivernale. Ah ouais. A joué un match contre l'Université Penn State qui vont avoir un programme de hockey officiel l'an prochain en Division 1. On joue un match d'exhibition contre lui qui est à l'Université de Newman. Après. Le surlendemain. Sur le lendemain. Donc, belle expérience. Belle expérience. Je sais pas comment il y avait de monde, là, mais c'était peut-être avec 15-20 000 dehors, personne, mais dehors comme ça dans le stade de baseball, là, c'était quelque chose. Wow. Hey, je reviens. Donc, Mickaël Matheson a été cédé du côté de Moncton en plus d'un deux choix de cinquième ronde, un choix de première ronde européen, un choix de troisième ronde, un choix de cinquième ronde en 2013 et de deuxième ronde en 2014. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Donc, six choix pour obtenir Brendan Gormley en plus de Mickaël Matheson. Dites-vous tout de suite que comment ça fonctionne dans la Ligue d'hockey junior majeur, c'est que certains de ces choix... Vont... Non, on se paye la coupe. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Mais on va retourner certains de ces choix-là du côté des Cataractes. Donc, les Cataractes vont aller chercher ces choix-là cet été en échange de certains joueurs. Parce que là, si on envoie un Peter Sakaris, un Yannick Veilleux du côté de Moncton tout de suite, ben, on se retrouve avec des effectifs réduits pour la Coupe Memorial. Donc, ça, c'est une pratique qui est commune dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Donc, c'est ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait des... oui, Yannick Veilleux, Peter Sakaris, que ça se dirige vers Moncton l'an prochain. Après. Autre transaction du côté des Cataractes. Bon, on est allé chercher un autre défenseur. Ça en prenait un autre. On était chercher, là, ça date un petit peu plus. On était chercher Morgan Ellis du côté de Cap-Breton. Morgan Ellis, qui est un bon défenseur aussi. Un choix de quatrième ronde du Canadien de Montréal. Je ne sais pas si tu connais l'équipe. Donc, ça a coûté un peu. Morgan Ellis, à date, là, depuis le début de son arrivée avec les Cataractes, je vous dis ça sous peu. A connu un très très bon départ là, avec les Cataractes. Je crois qu'il a joué deux matchs. Je vous dis ça dans deux petites secondes. A joué trois matchs jusqu'à présent avec les Cataractes. A 7 points. Ça va bien. Ça va bien, Morgan Ellis. Donc, on a cédé à Cap-Breton Bronson Beaton, qui est un choix de deuxième ronde cette année par les Cataractes. On a donné un autre deuxième choix et un premier choix aux Screaming Eagles. Donc, c'est loin d'avoir été gratuit, mais. Je pense qu'au final, ça va valoir la peine là, du côté des Cataractes. Mais là, on vise quoi là, avec ça? Ah, on vise la coupe. Ouais. On vise Rien de moins, on vise la coupe. Ce qui est arrivé là, du côté des Cataractes, là, j'en avais parlé un petit peu précédemment. L'an dernier, on avait fait l'acquisition à gros prix, qui était un premier, un troisième choix de Ryan Cavanaugh, qui était un défenseur, un petit défenseur avec une très bonne vision, des très bonnes capacités offensives, un carrière. En défensive, c'était un petit peu plus... ça laissait un petit peu bon désirer. Cette année, aurait dû être un joueur clé, un joueur de 20 ans. Ryan a décidé cet été, bon, ben moi, je veux plus d'argent. Martin Mondu a dit non, écoute, on donnera pas plus d'argent qu'on a. Il y a un plafond salarial, j'imagine? Ouais, ben normalement, je sais pas exactement comment ça fonctionne là, au niveau des prix. Souvent, il y a des petites bourses, des choses comme ça. Mais on a on dit, bon, ben les joueurs de 20 ans, on a, mettons, 1 500 $ à dépenser. Tu as droit à 3 joueurs de 20 ans, 500 $ chaque. Ryan en voulait plus. Moi, je veux 1 000 piastres, maintenant. Ben, c'est ça. Je pense que c'était 800 dans les environs. Martin Mondo a dit non. Mais 800 par quoi, mettons? 500 par quoi? Par semaine? Par semaine, oui. Ouais. Ouais. Fait que... c'est bien rémunéré, là. Ryan a dit non. Pas Ryan, Martin Mondo a dit non. Et à ce moment-là, bon, ben, Ryan Cavanaugh a levé les feutres et s'est en allé en Europe. Donc, c'est ce qui fait qu'il fallait chercher un défenseur de plus, de plus que ce qui aurait été nécessaire du côté des Cataractes. C'est ce qui a fait mal, là, et c'est pour ça qu'on a dû dépenser beaucoup plus. Donc, L'an prochain, et pour les deux prochaines années, je vous dis tout de suite, les Cataractes, ça va jouer un peu à la ringuette. Là. Mm-hmm. C'est ouais. pas, ça sera pas des très grands clubs. Mais pour cette année, on a fait un all-in. En termes de poker, c'est un all-in. On a été chercher. Donc, on se retrouve avec un corps défensif. Tout là, le tout pour le tout, exactement. Un corps défensif avec Brendan Gormley, Morgan Ellis, Jonathan Arbonne aussi, qu'on a été chercher durant la période de transaction. Et les défenseurs qui étaient déjà là, donc Racine et Justin Haché, entre autres. Je m'intéresse. C'est un bon corps défensif. On est prêt à aller à la guerre du côté des Cataractes. Seule chose qui me surprend, c'est que là, présentement, on s'en va à la guerre avec seulement deux joueurs de 20 ans, c'est-à-dire Gabriel Girard et Olivier Morin. Il y avait un autre défenseur qui était Youssef Cabage, mais Cabage n'avait pas donné exactement ce qu'on s'attendait. On avait été le chercher au début de la saison. On voulait lui donner un essai comme joueur de 20 ans. Il n'aurait pas vraiment joué d'ici à la fin de la saison, donc on a décidé de lui dire Youssef, gars. Toi, tu penses que l'équipe est jeune un peu? Pas l'équipe est jeune, l'équipe manque une petite affaire de talent par rapport de à. De talent ou d'expérience? Non, de talent. C'est de talent. Il n'y a pas un manque d'expérience, c'est vraiment un manque de. Il aurait pris un joueur de plus. Parce que, normalement, quand tu t'en vas à la guerre pour la Coupe Memorial, ce que tu t'attends, c'est d'avoir des 20 ans qui sont extrêmement productifs, extrêmement le cœur de ton alignement, c'est le rôle clé. Tandis que présentement, du côté des 20 ans, Gabriel Girard, on sait même pas si ça va être lui le gardien partant pour la Coupe Memorial. Alex Dubois joue très gros hockey. Et du côté de Pierre-Olivier Morin, bon ben il se retrouve avec les acquisitions à être un joueur de soutien. Il se retrouve à être un troisième trio, possiblement deuxième, tout dépendant. Donc alors, on va voir. Mais Martin Mondeau avait dit qu'il allait être actif. Il était actif. Faut lui donner ça, bien travailler. Donc ça reste à voir ce qui va se passer. Là, je vais parler d'autres transactions rapidement. Je vois le temps qui avance déjà. Y a-t-il une émission après? On peut-tu défoncer? Non, tu peux défoncer tant que tu veux. Prends pas ça pour ouais. Hey! Hey, la gueule, on défonce! Mercedes-Benz! Hey, Reg, pas une toune! OK! Une équipe qui était surprenante durant la période de transaction, c'est les Saguenayens de Chicoutimi qui ont fait... qui ont remporté le derby Jean-Gabriel Pageau, qui était un des joueurs les plus en demande là, du côté de l'Olympique des Olympiques de Gatineau et même du côté de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Mondou travaillait très fort pour l'avoir, mais Chicoutimi qui se rajoute. Et pourquoi c'est surprenant du côté de Chicoutimi? C'est que on n'a pas une équipe capable d'aller jusqu'au bout. On a une équipe correcte, Guillaume Asselin, Charles Ludon, on a quelques bons joueurs, mais pas capable de rivaliser avec les St. John's, avec les Victoriaville et Shawinigan. On va chercher Gabriel Pageau. En retour, on cède Alexandre Michaud. Deux choix de première ronde et un choix de deuxième ronde aux Olympiques de Gatineau. Ça se pourrait aussi qu'il y ait des joueurs qui reviennent à travers tout ça, comme je vous expliquais. Ce qui explique la décision de Chicoutimi, c'est que on est présentement à changer les actionnaires. Il y a un appel d'offres. Chicoutimi est un club public. Okay. Et là, qui est parti à la ville de Chicoutimi, Saguenay... Mais ce qui n'est pas le cas des Cataractes. Non, là, les Cataractes, c'est... Il fut une époque où c'était une sorte de coop. Je ne suis pas dans les coins à l'époque. Là. Mais là, présentement, c'est un club privé avec des actionnaires. Donc, on a décidé de faire un appel d'offres et de changer les actionnaires du club. Pas les actionnaires, les gestionnaires du club, pardon. OK. C'est un conseil d'administration, j'imagine? Ouais, c'est ça, un peu tout ça. Donc, les gestionnaires, présents, on dit, ouais, ça s'en va de même. On essaye le tout pour le tout. On va essayer de faire deux, peut-être trois rondes en série, si on est capable. Donc, on a été chercher Jean-Gabriel Pageau à gros prix. On a été chercher aussi, je vous sors ça dans deux petites secondes, Mathieu Gagnon et Christian Ouellet. Donc, ça, c'est pas une mauvaise transaction. En échange, on a cédé Michael Bourgard et 4 choix, 1, 2, 3 et 4 rondes dans des années 2012-2013. Bon, on a acheté peut-être une belle expérience, une dernière belle expérience avant de se faire tasser du revers de la main. Donc, c'est ce qu'on a fait là, du côté de Chicoutimi. Un autre club, et on était cherché aussi, là je vous explique ça, c'est un autre. Qu'est-ce qui a permis à Chicoutimi d'aller chercher Jean-Gabriel Pageau, qui a coûté très cher, comme je disais, deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde? C'est qu'avant, on a cédé Stéphane Matteau. Stéphane Matteau qui évolue présentement aux États-Unis, qui est le fils de Stéphane Matteau, qui a joué avec les Rangers de New York, évolue présentement aux États-Unis et a toujours dit « J'irai pas jouer dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec ». Un autre. Ne veut rien savoir. Il voulait rien savoir. L'affaire, c'est que Stéphane Matteau père est coach à Blainville-Boisbriand. Oh. Et là, Blainville-Boisbriand a été chercher Stéphane Matteau de Chicoutimi en retour de un choix de première ronde. Donc ça, il va y aller. Ben, c'est ça. Un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde. Blainville-Boisbriand a aussi obtenu un choix de troisième ronde dans cet échange-là. Donc, on a pris un peu ce qu'on a obtenu pour Matteau. Okay. On l'a nippé un petit peu, puis on a donné ça pour Pageau. C'est ce qui permet. Donc, dans ce cas-là, je dois dire, félicitations à Chicoutimi. Ouais, ouais. On a vendu à prix très cher un joueur qui serait pas venu de toute façon pour aller chercher Jean-Gabriel Pageau. Tant mieux s'il va pour l'autre. Exactement. Donc, c'est bien fait. Ailleurs, Québec a obtenu Logan Shaw. Donc, Québec qui se renforce un peu, mais on n'a pas vendu trop de... trop de futur là, du côté de Québec. On sait qu'on avait une très bonne équipe, mais très jeune. Donc, on voulait voir ce qu'on était capable de faire. David Rose est passé du côté de Bécomo. Rimouski a réalisé un échange que je trouve un peu bizarre. Du côté de Drummondville, on n'avait pas vraiment le choix de pincer sur la gâchette là-dessus. On a cédé du côté de Drummondville Jean-Philippe Mathieu, défenseur de 20 ans. Du côté de Rimouski, un choix de 3e ronde. En retour, on obtient Alex Simon, Guillaume Gauthier et un choix de 5e ronde. Guillaume Gauthier, qui est un très jeune joueur, premier choix au repêchage pour Rimouski l'an dernier. Et Alex Simon, hier, qui disputait le match du côté de Drummondville, je couvrais le match de Drummondville hier contre l'Armada, a compté les deux premiers buts de son équipe. Donc, ça va bien. Bien parti du côté d'Alex Simon, là, qui semblait très heureux après la partie. Je peux vous dire que le directeur général Dominique Ricard là, était un homme souriant sur la galerie de presse hier. À part de ça, bon, Jérémy Blain est passé du côté de Victoriaville en retour de François Godin et trois choix repêchage. Du côté de Blain, bon, on va venir aider à solidifier la brigade défensive de Victoriaville qui a aussi fait l'acquisition de Daniel Milan Mellon, de Moncton, donc en retour de Danny Kémon et Jacob Sweeney. Donc Victoriaville qui se renforce eux aussi. On s'y fait l'acquisition de Matthew Hobbs, un joueur de 20 ans qui avait un petit peu de difficultés cette année. On dit qu'il n'est pas le plus assidu au gymnase, donc c'est ce qui est venu lui nuire un petit peu cette année, Matthew Hobbs. Mais là, Victoriaville ont fait des transactions très intéressantes. Je pense qu'ils ont été pas l'équipe qui s'est le plus améliorée, mais l'équipe qui a peut-être le mieux joué ses pions relativement pour... qui a été cherché le plus avec ce qu'il y avait. Bon, on n'a pas le choix de faire des choses, parce que là, il y a deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont accéder aux grands honneurs. Mais du côté de Victoriaville, on n'a pas le choix de battre les puissants Sea Dogs de St. John's pour... Normalement, souvent, l'équipe la plus puissante va être celle qui accueille la Coupe Memorial relativement. Là, dans ce cas, idéalement. Idéalement. Mais là, dans ce cas-ci, on sait que c'est St. John's l'équipe la plus puissante. Mais c'est pas eux qui reçoivent la Coupe Memorial. Donc, t'as pas le choix de passer à travers l'équipe la plus puissante de la Ligue si tu veux accéder à la Coupe Memorial. Ce qui serait génial en passant à avoir Victo et Shawinigan en Coupe Memorial. Ah. C'est pas loin, là. C'est une heure et quart, là. Même pas. Donc, il y aurait du monde en Mauricie, pas de doute. Mais d'un autre côté, St. John, c'est beaucoup de monde qui se déplacerait vers la Mauricie. Là, je pense aux retombées économiques. Donc, si vous me demandez qui a... Là, présentement, St. John? Mon ordre des quatre meilleures formations de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec, ben, je reste encore avec St. John, qui ont été très calmes, n'ont pas fait grand-chose, ont été chercher Maxime Villemer, mais c'est pas mal tout. Du côté de St. John, d'ailleurs, Maxime Villemer... Mais qu'est-ce que ça va bien? Ben, c'est ça. On avait été chercher un joueur autonome du côté des États-Unis, Charlie Cord, aussi, qui était une bonne acquisition, là, un premier choix des Sharks de San Jose. St. John, je pense que Shawinigan a peut-être passé Victoriaville. Au deuxième rang, ça reste très chaud. Victoriaville et Québec là, qui vient de tomber au quatrième rang. Tout simplement parce qu'on est une équipe très jeune, mais je crois pas que Patrick a nécessairement fait une mauvaise décision de ne pas tout vendre et de faire d'aller avec le tout pour le tout cette année. Parce que ça va pas si mal pour lui. Ils sont premiers au classement, ça va très bien, vrai dire. Cataract, rapidement, on jouait disputer deux matchs cette fin de semaine parce qu'après, avec les échanges, il y avait quand même des matchs. Donc, on a battu les Saguenayens de Chicoutimi vendredi. On a décoché 46 du côté de Shawinigan, mais ça allait pas très bien. En vrai dire, on a joué une bonne période. C'était la troisième période où on a décoché 20 tirs. Donc, 39 tirs, 20 tirs. Faites le calcul. La moitié des tirs ont eu lieu en troisième période. Alors, c'était 3-1 pour les Saguenayens au début de la troisième période. Ça a fini 6-3. Oui. Faites le calcul. Troisième période a été très productif avec des buts de Narbonne deux fois, Zlobin, Le Sieur et Chapu dans cette victoire. D'ailleurs, le défenseur Narbonne a obtenu la première étoile de ce match. Hier, ils étaient du côté de Victoriaville. Donc, je te disais, Victoriaville, Shawinigan, je pensais que Shawinigan avait passé les Victoriavillois avec la... pas au classement, mais au niveau des forces en présence dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Et les Cataractes l'ont apporté hier par la marque de 4-2. Par contre, Victoriaville a joué un match, aurait pu l'emporter aussi. C'était un match qui était très serré. C'était 3-2 là, pendant une bonne partie du match. Et Michael Bonnivard a complété avec moins de 30 secondes à faire dans un filet désert, ce qui a donné la victoire là, aux Cataractes officiellement. Là, confirmé la victoire des Cataractes. Morgan Ellis, première étoile dans ce match. Donc, je vous en parlais de Morgan Ellis jusqu'à la date. Se montre comme une excellente acquisition par Martin Mondou. C'est ce qui conclut pour le junior majeur. On passe Caron et Guy rapidement qui ont disputé deux matchs cette fin de semaine. Vendredi, on a disputé un très bon match. On fait face avec à une bonne équipe. qui est le cool FM de Saint-Georges, qui est présentement ce matin le premier rang dans la Ligue nord-américaine. Y avait-tu du monde dans les estrades? De moins en moins? Ben, à Saint-Georges, c'était à Saint-Georges, donc c'est 1300, 1400. Hier, par contre, là, tu m'en poses une bonne. Attends une minute, je vais aller voir. Donc, défaite de 5 à 1 contre Saint-Georges. On a disputé un très bon match. Par contre, c'était Frédéric Deschênes qui a, comme on dit dans le terme de hockey, gaulé sur sa tête. une performance... performance excellente. Je sais pas comment... Magistrale. Ça. Magistrale. Gaulé sur sa tête. Oh, et la source des succès de son équipe. J'aime beaucoup le gaulé sur sa tête. Alors, qui a donné la victoire 5 à 1? Et hier, du côté du Colisée Trois-Rivières, où il y avait 709 personnes, donc c'est relativement les foules... C'est stable. ...typiques. C'est pas beaucoup, c'est stable, c'est ça qui est le problème, c'est que ça n'augmente pas malgré les... Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on risque d'avoir un Corongui l'année prochaine? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je m'inquiète. Mais ça dépend. Léo Guy, c'est Léo Guy. Léo Guy Morissette, là, c'est un passionné de hockey, c'est un entêté. Donc... Faites le calcul, ça se pourrait qu'il y ait encore du Corongui ici l'an prochain. Parce que je dois dire que les gars donnent un très bon show. Hier, ils l'ont emporté 5-0. Peter James Corsi, PJ Corsi, 3 buts hier là, dans la victoire du Corongui. Julien Lys, qui disputait son premier départ depuis son retour de blessure, qui a mérité le blanchissage. Donc, très bon match. Par contre, on a encore perdu des services de joueurs cette fin de semaine, c'est-à-dire Terry Vigneault, vendredi, qui était blessé. On parle d'une absence d'un mois, un mois et demi. Et on a perdu les services de Yann Poirier. On parlait d'une légère commotion dans son corps. On va voir ce qui va en dérouler dans les prochains jours. Les Patriotes de l'UQTR, on revient dans nos pénates ici au Colisée de Trois-Rivières, qui disputaient un seul match. C'était le retour des vacances. Donc, on chassait la tourtière, le ragoût de pâte et les desserts de grand-mère avec un match contre les puissants Ravens de Carlton. On sait les Ravens et les Patriotes, ça s'aime absolument pas. Ouais, ça avait brassé. C'est en train de devenir une des meilleures rivalités de la Ligue avec McGill et les Patriotes. Mais pour les Trifluviens, le Carlton se... Tant qu'à moi, a pris la place de Concordia au niveau de la haine qu'on dévoue envers les équipes. On l'a emporté 7-5. Oh! Du côté des Pats, on ne peut pas dire que Matthew Doppel a eu le meilleur match du côté de Carlton. Par contre, c'est un match qui un score qui ne reflète pas nécessairement la rencontre. Parce qu'à un certain point, là, c'était 7-2. Donc, c'est alors qu'il restait à peu près 6 minutes plutôt au match. On a compté trois buts du côté de Carlton. On s'est assis un petit peu dessus. Mais non, vraiment, il faut souligner la performance de Félix Petit, le petit attaquant. C'est un jeu de mots très plate, mais c'est vrai. Deux buts, une passe, il va falloir le regarder. Il est tellement rapide. Son trio, là, Donovan Petit et l'autre Félix Lefrançois, probablement un des meilleurs du côté de la Ligue de l'Ontario, la Conférence de l'Ontario et les sports universitaires. Donc, ça marche, on va avoir besoin de ça du coup des Patriotes si on veut terminer la saison à force. Je pense qu'il va falloir oublier, j'en parle là, dans mon texte, dans le prochain Écho de Trois-Rivières qui va sortir mercredi. On va oublier le deuxième rang, le premier rang plutôt, qui est à McGill. Je pense que McGill vont le garder à moins de s'effondrer, mais plutôt consolider de nous avoir sur le deuxième rang et avoir l'avantage de la patinoire le plus longtemps possible en séries éliminatoires. Alors, on change de sport, ça va parler football. Football, ça brasse. Tim Tebow, série. C'était la première ronde des séries cette fin de semaine. Et du côté de la NFL, et Tim Tebow hier. Force est d'admettre que Jesus is on its side. Jesus est de son bord. C'est 23-23. On débute la prolongation contre les Steelers. Disons-le, la machine des Steelers qui est assez rodée, merci. Ouais, ouais. Avec une très bonne attaque, une très bonne défensive. Troy Polamalu en tête. Tim Tebow, on se rend en prolongation et on a des nouveaux règlements du côté de la prolongation cette année. Ouais, c'était quoi ça? Je vous explique. Ce qu'on doit faire dans la NFL, normalement, c'est la première équipe qui marque un point, donc très souvent un field goal, un placement, l'emporte. Ce qui n'est pas juste parce que si tu remportes le lancer du 25 sous, t'es pas mal assuré de faire assez. Tu sais, normalement, pas mal de derniers bottés. T'as des bonnes chances d'être la première équipe à botter. Donc, ça complique la tâche. Donc, ce qu'on a dit, c'est seulement si tu fais un toucher, ça finit le match. Si tu ça prend un toucher. Si tu fais un placement, alors l'autre équipe a le droit de réattaquer. Okay. Ça fait un toucher à gang, ça fait un placement. À partir de là, la première équipe qui fait des points gagne. Encore là, c'est ridicule. On devrait adopter le format des séries éliminatoires, pas des séries éliminatoires, mais des prolongations dans le football collégial ou dans la Ligue canadienne de football qui est chacun son tour. Puis l'équipe qui réussit à faire le plus de points à la fin de son tour marque. Gagne plutôt. Plus de points ou quoi? C'est-à-dire que si tu fais toi tu fais un placement, moi je fais un toucher. Ouais, tu gagnes. Je gagne. Tout simplement ça. Thibaut, premier jeu de la prolongation. Une passe à DeMarius Thomas. Premier jeu, 80 verges. Terminé. C'est alléluia. Réglé. Tout le monde à l'église. Tout le monde Thibaut, à l'église. Jean. Je repasse le chapeau. Fait étonnant, dans ce match, Tim Thibault a lancé pour 316 verges. Jean 316. John 360. Tim Thibault a eu un pourcentage d'efficacité de 31,6 dans ce match. Jean 316. Yeah! À l'époque où certains des fans de lutte se souviennent de Austin 316. Austin, mais oui, Austin Steve 316. Austin. Alors maintenant, préparez-vous la semaine prochaine dans les gradins. On va avoir droit à beaucoup de pancartes de Thibaut 316. Oh, c'est bien. Beau, c'est intéressant. Je trouve que, non, mais je trouve qu'au-delà, qu'on soit croyant ou non, ça donne surtout une belle histoire. Oui. C'est intéressant. Ça vend un le peu football. Comme la Bible, c'est un beau roman. Ouais. C'est une manière de voir ça. Mais ça donne une bonne histoire. Puis, regardez, hier, tout le monde parlait de ça. Tout le monde est présentement suit les péripéties de Thibaut. On trouve intéressant ouais. de voir quelqu'un. Moi, je peux pas critiquer quelqu'un qui est croyant. Lui, il me dérange pas, là. Mais non. Il me dérange pas, là. Il vient pas m'imposer sa foi. Lui, par contre, tout le monde le dérange. Il l'exprime. Il a crié fort, là, mais ça... Donc, félicitations, Tim Thibault. Et dans les autres matchs, les Texans de Houston qui disputaient leur premier match en séries éliminatoires. Une victoire de 31-10 des Texans. On passe à la prochaine ronde. Les Giants, Eli Manning, facilement vaincu les Falcons d'Atlanta. Hier, au Giants Stadium, au Meadowlands Stadium, le nouveau stade de New York. Donc, les Falcons, au moins du Dôme, peu de salut, pas de salut. Donc, on n'a pas eu une très bonne performance du côté des Falcons. Et, l'autre match, désolé, j'ai pas ouvert mon bon le lien. Laisse-moi des petites secondes, j'ai un blanc. Drew Brees, c'est ça, Drew Brees et les Saints qui l'ont emporté par la marque de 45-24 sur les... 45-28 plutôt sur les Lions de Détroit. Les Lions qui, jusqu'à présent, là, dans le match, ont joué une bonne première demi, on s'est bien défendu. Mais dites-vous qu'un pari de 5$ pour les Lions, s'ils l'avaient emporté, donnait à peu près 250$. Donc, personne n'est donné comme victorieux. En effet, ils l'ont pas apporté, mais ils ont bien paru. Ça aurait pu être beaucoup de loin pire pour eux. Belle performance du côté des Lions, qui, cette année, là, c'est un peu le retour à la gloire des Lions après avoir été des losers pendant tellement d'années. Ont enfin connu une bonne saison, donc félicitations à eux. Semaine prochaine, les matchs dans l'AFC, c'est Denver qui va faire face à New England. Houston va affronter Baltimore. Dans la NFC, la Nouvelle-Orléans va affronter les 49ers de San Francisco et les Giants de New York vont se mesurer à Green Bay. Mes prédictions, New England, Baltimore, New Orleans et Green Bay vont l'emporter, ce qui devrait nous donner un excellent carré d'as pour la suite des séries éliminatoires. Hey, ce soir, en passant, si vous écoutez à la TV, championnat national au football collégial de la NCAA, RDS 2, je crois. Oui, c'est sur RDS, si je me trompe pas. Ça vaut la peine? Zappé. Ah ben oui, zappé, regardez ça, c'est du bon football. Des gars qui sont pas payés pour aller à l'école, pour jouer au football. Qui se donnent, c'est l'accumulation bon de un mois de matchs qui veulent rien dire, c'est-à-dire les bowls américains. Ce soir, ça veut dire quelque chose. On joue pour le championnat national. C'est LSU, les Tigers, qui vont faire face à Alabama. Alabama qui a subi la défaite une seule fois cette année. C'était contre LSU. Oh. Normalement, on voit pas ça deux fois le même match, mais on va le voir cette année. Donc, ça va être intéressant de suivre le tout. Et Canadien de Montréal, en terminant, écoute, j'avais pas grand-chose à dire sur le Canadien. On est parfait jusqu'à présent en 2012. Faut croire que le problème, c'était l'année 2011 du Canadien. On l'a emporté contre le Lightning de Tampa Bay cette fin de semaine, 3-1. Belle performance de Maxime Pacioretty. Dans son cas, j'ai juste hâte de voir un Pacioretty plus constant. Des hauts, des bas, c'est normal, c'est encore quelqu'un qui est très jeune. Mais le jour où ce gars-là va être capable de donner, pas nécessairement un effort, mais une qualité d'effort constant, va devenir un joueur très important pour le Canadien. Un type de joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec le Canadien, c'est-à-dire un power forward capable de faire une soixantaine de points par année. Et est-ce qu'on peut espérer voir Markov la fin de la saison? On l'oublie, c'est fini. Arrêtez d'y passer. Gomez, lui. Je m'en fous. Bon. Je m'en fous. Larceleur. La gloire de Larceleur. Ouais, on se calme. 4 buts de passe. Lui aussi a du potentiel, Larceleur. Oh, ouais, non, il est très bon, mais tu sais, c'est pas... Mais le problème avec Larceleur, c'est qu'il faut juste que c'est un peu comme Pacioretty, mais il y a encore plus de travail à faire au niveau constance, au niveau... Belle confiance, par exemple. Mais il avait l'air heureux après son 4 buts de passe. Là. On affronte mardi, les Canadiens vont affronter, reçoivent les Blues. De Saint-Louis. De Saint-Louis. Et l'histoire intéressante du côté des Blues, c'est David Perron cette année, qui après avoir subi une commotion, qui l'a gardé hors du jeu pendant pas un an, mais presque, sur un coup de Joe Thornton. Et de retour au jeu cette année, récemment, revenu récemment avant Noël. Ça va bien. Et va affronter le Canadien bon, pour la première fois. Donc, il risque d'avoir. On risque d'en parler beaucoup du côté de RDS et Perron, là, qui. C'est une belle histoire. Écoute, chanceux. Il y en a un qui a regardé Sidney Crosby présentement, là, qui rechute après rechute. Là, va falloir être. Pas si on va l'en voir, hein? J'ai pas un bon feeling du côté de Crosby. Cette année, on le reverra pas, ça, c'est certain. Le revoir jouer au hockey. Mais c'est ça. Ouais, c'est... Ça regarde mal. J'espère que les gens à la maison, vous avez apprécié vos belles années Sidney Crosby. Ben, c'est ça. Puis en même temps, il n'y en a pas eu tant que ça. Hein? Ben, écoute, c'est ça. La dynastie fleurit le temps. Gino Malkin et Crosby du coup de Pittsburgh, ben, ça semble être terminé. C'est plate. C'est plate parce que c'était un bon spectacle. C'était un bon ambassadeur pour le. Ah, tout à fait, tout à fait. Le jeu qu'il a hockey, et là, présentement. Et on le voyait partout. Il faudra trouver un moyen, là, du côté national, d'enrayer les commotions cérébrales. On réglera pas ça ce matin, là. C'est sûr et certain que c'est pas nous dans le studio qui va trouver, mais il y a quelques solutions qui sont avancées. Parmi celles-ci, de retirer la ligne rouge du jeu, tout simplement, pour essayer de ralentir. De, pas de retirer, mais de remettre la ligne rouge en jeu. C'est-à-dire que les fameuses passes de deux lignes vont être plus courtes maintenant, on s'entend. Ce qui ralentit un petit peu le jeu. Mais les joueurs sont tellement rendus rapides. Ah, puis les gars sont gros, là. Les gars sont gros. C'est des monstres, donc, là. Donc, faut se rendre à l'évidence faut se rendre à l'évidence que le hockey a changé. Et... Mais moi, ma première solution, c'est les équipements. C'est vraiment ça. Arrêtez-moi ça, là, avec les pads là, de plastique là, qui sont capables de passer à travers un mur. Ben, tu reviendrais avec quoi? Avec les bonnes vieilles épaulettes Cooper. Ouais. Là. En cuir. Ben, pas en cuir. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, mais il y a là quelque chose de beaucoup plus mou. Parce que si ça revient, moi, j'en ai ça. Ben, je comprends. Écoute, quelqu'un qui joue dans une ligue de garage, il n'y a pas de contact, n'a pas vraiment de raison d'avoir une méga épaulette à 300$. Là. La bonne vieille, et c'est très cher. Ça. La bonne vieille Sherwood là, à 35$ devrait faire l'affaire. Normalement. Donc, on va finir avec ça. Ça et des coudes. Les coudes, de présentement, qui sont comme des missiles. Et c'est solide. C'est dur. C'est du plastique. Ouais, c'est dur. Mettez ça là, dans le temps que c'était du mou. Ouais. Bon vieux coup de mou. Mm-hmm. On a eu dans notre hockey mineur là, dans le temps. Là. Tu te souviens, des coups de mou, là. Tu tombais, ça faisait mal, mais au moins, t'avais encore un coude. Ouais, c'est ça. C'était pas mal le minimum. Ça te protégeait, mais tu le sentais. Là, tu sens plus rien. Tu fais une époque où l'équipement protecteur au hockey te servait à te protéger. Ouais, c'est ça. Maintenant, il est de plus en plus utilisé comme arme d'attaque. Ouais. C'est le problème. Les gars sont tellement en sécurité. Tu sais, il ne faisait pas qu'une grosse mise en échec, ça te faisait mal à toi aussi. Oui. Fait que tu y pensais deux fois là, avant de la ramasser. Fais attention un peu. Maintenant, c'est plus difficile. Il y en a aussi qui disent que la raison pourquoi il y a les bâtons se tiennent beaucoup plus haut dans la Ligue nationale, c'est qu'avec les visières, il y a des joueurs qui ont beaucoup moins peur d'en avoir un dans le visage. Donc, le bâton lève beaucoup plus, consciemment ou inconsciemment. Mais je pensais que c'est parce qu'il était plus léger. Aussi. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Bon, toi, ça pèse à rien. Aujourd'hui, ouais, là, c'est des, tu joues avec une plume. Donc, on est loin du bon vieux Sherwood PMP. En bois. En bois. Y en a-tu qui joue encore avec des bâtons? Pas dans National, non. Non. Il y a juste moi. Sherwood en fait même plus. Non, c'est fini. Terminé. Ah ouais. Il ne faut que des bâtons en graphite et composite. Et font une imitation très réussie de leur fameux bâton en bois. Donc, c'est un bâton en composite, mais avec un revêtement de bois magnifique. C'est à s'y méprendre. Ouais, imité, mais pas été réussi. Jamais égalé. Ah, merci beaucoup, Nicolas Ducharme. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle année. Bonne année. On se sent-tu à la main? Ouais, okay. C'est quand même. À rien distance, trop beau à distance. Virtuellement. Dans les airs. Voilà. Donc, bonne année, etc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ducharme et du sport, la semaine prochaine, lundi. Oui, comme d'habitude. À 8h30. Et voilà, ouais. Voilà. Puis on finit avec une prière, comme toujours, avec Tim Thibault. On va faire du T-Bowing, tout le monde. C'est ça. T-Bowing. C'est quoi, c'est comme ça? C'est. Ben, allez, c'est comme ça? On va T-Bowing, on va prendre une photo. Et on va mettre ça sur le Facebook. Facebook, ben ouais. Là, c'est fou. C'est ça. Ça vous va? OK. Hey! À la semaine prochaine. Hey, on a défoncé la gang! Non, on n'a pas les imitations qu'on avait. Une annonce de Subway. L'annonce de Subway? Ben oui, Jean-Marc Parent, c'est les annonces de Subway. Ben, parce qu'il était tellement appétissant, Jean-Marc Parent. Ah, on ne rappelle pas de Subway. C'était c'était dans le temps où Jared n'avait pas encore fait surface du côté de Subway. Donc, c'était Jean-Marc Parent, le porte-parole de Subway. Là. Mais on parle de Subway, je pense, à l'époque où le logo était brun et jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il était beau, ça, par exemple. Ouais, ouais, c'était, ouais, ben pour elle ramener, ça va être rétro dans 10 ans, ça, ouais, j'imagine. Ouais, on va le voir sur des t-shirts. Sûrement. Il y en avait beaucoup de t-shirts, Subway. Ouais. Oh, ouais. Ben, Subway était le l'antithèse, pas l'antithèse, mais le comme le contraire de McDonald's. Donc, quand t'étais rebelle, t'allais manger santé chez Subway. Ben oui, ben. Ça a changé depuis 10 ans. Ah, hein, ça... Tu retournes chez McDonald's. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai été chez McDonald's, j'ai mangé une salade. Je suis tellement rebelle. Ah, oh, ça, les rebelles. Ouais. On va aller manger du sushi. On défonce pour les bonnes raisons, on aime ça. On défonce pour parler de Subway, ça. Ouais. Ouais. Allez, c'est fini. On défonce pour des... du contenu. Du contenu. Contenu de taille. Comme dans un sous-marin. Et voilà. C'est rempli de légumes. Allez, c'est... bon. Ah, oh, que t'es beau. Waouh, hein? Tim, t'es beau. On va se rendre jusqu'à la fin du fond, je pense. Donc, c'est la fin de la chronique du Charme et du Sport. Puis, c'est la fin de l'émission aussi. Plaisir. On va se retrouver demain matin à 7h avec une autre nouvelle émission d'Assemblage requis. Qu'est-ce qu'on a demain, Mathieu? Oui, bonne question. Stéphanie Gagné? Demain, l'émission Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori va nous présenter ses coups de cœur de la semaine. On aura aussi Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire, la chronique littéraire de Marie-Pierre. Et on aura aussi Anne-Julie Durocher avec sa chronique sur la GEQTR. Elle va nous parler un petit peu de ce qu'est la GEQTR. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est ça, t'as fait là? On se demain entre 7h et 9h, ici même à C'est fou, 89.1 FM. Restez sur nos ondes ben, toute la journée, ben, parce qu'il y a plein d'affaires sûrement autour de musique. Hein? À 11h, il y aura le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Et puis plus tard, ben, plein d'autres affaires. C'est ça. Allez voir le site.ca pour la programmation et puis allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Bruce Peninsula, c'est Chupacabra, une pièce que François adore sur l'album Open Flames. Passez une excellente journée. Ben, je le sais bien. Je te garde. Oh. Je te garde, je suis comme c'est Dieu. Délicieux. Moi, je te donne des choses. Là. Ben. Ben, c'est ce que Dieu donne, Dieu reprend. Là. Ah, oh, oh, ah, je savais pas ça. Attention. Le bar, ça va demain. Inside a frame, inside a box.